marteau. Qu'interdite son autre somme. Nous sommes servis incognito. Vous en mangez des pleins bols. Monsanto, oh, vous dérangez, j'ai tout le système, oh, j'ai.

clichés, tant de gens s'habituent. On sait tout ce que l'on voit, on voit sous les dents. On voit comme les lois protègent les scélérats. Pas le choix, pas le choix de vivre avec ça. Car tu vois, sordide, mortel. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Des requins qui nous sauvera le

bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Marika, tous les vendredis à partir de 19h. Voilà, on a été très sage jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé. Je présente donc cette émission, c'est l'émission numéro 528 et nous sommes le vendredi 18 novembre. Alors depuis le début de l'émission, on a écouté pas mal d'artistes de la Marika Family ou qui vont le devenir, hein, parce qu'on a certains artistes qu'on... Je regarde vite fait, oui effectivement. Donc on a écouté les Herdies, donc c'était un morceau enregistré dans l'émission 180 et quelques, hein, donc ça fait un petit moment. Le morceau avait été enregistré donc dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein, et le titre c'était Cereal Killer. Juste après le groupe Syndrome 80, un groupe de Brest qui était en concert il y a pas très longtemps sur Orléans, avec un titre qui s'appelle Vivre et Mourir. Le groupe Custom qui devrait pas tarder à venir dans l'émission Mavrika quand même. Le titre c'est RNR Party, donc Rock'n'Roll Party on va dire plutôt. Ensuite, c'était le groupe des Rapades. Ils étaient chez nous il y a quelques semaines. On a écouté le groupe, le morceau Sordide. Et juste après, on a écouté donc Turn Off avec James Carter, un autre groupe que nous avons reçu. Alors ce soir, nous avons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le petit indice, c'est qu'on a écouté juste avant un morceau de Lajari, un morceau qui s'appelle Marque d'amour. Voilà, donc ce sont les invités de cette émission d'aujourd'hui. Donc ils sont déjà là dans les studios. Et puis je pense qu'on va passer un très bon moment. D'ailleurs, je vais rappeler un petit peu tous les gens qui sont venus. Alors le 4 novembre, You c'était dans nos studios. La semaine dernière, c'était les Swing Camille, donc le 11 novembre. Le 18, je viens de le dire, c'est donc aujourd'hui, hein, on est en plein dedans, le groupe Lajari qui est là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine prochaine, ça sera Jesus Whiskey, donc une découverte, on les a découverts il y a quelques temps en concert, c'était au Son des Blés, et donc on a l'honneur et l'avantage de les recevoir le 25 novembre dans nos studios. Le 9 décembre, ça c'est tout nouveau, c'est un groupe que je connais pas encore pour l'instant, mais on va les connaître, hein, y a pas de souci. Donc on a échangé pendant cette semaine et on a décidé qu'il viendrait donc le 9 décembre, c'est le groupe Narcose, voilà, découverte dans l'émission Mavrika. Le 6 janvier, on commence l'année donc avec Alex Le Bail. Alex viendra ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel, il est venu déjà il y a quelques temps et c'est avec lui qu'on va donc commencer cette nouvelle année 2023. Eh oui, on est déjà en 2023 bientôt. Hein. Le 20 janvier, ça sera 2 gigs qui sera dans nos studios. Le 3 février, Les Brunettes. Le 24 février, Anaïs from Paris. C'est d'ailleurs le groupe qu'on va juste écouter juste après. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika. On va passer un bon moment ensemble. On est ensemble jusqu'à 22h. Et aujourd'hui, donc, nos invités, c'est le groupe Lajari. comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'était le groupe Anaïs from Paris. Ils seront avec nous le 24 février dans l'émission Marika, hein, bien entendu. On va donc discuter avec nos invités. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le groupe Lajari. Alors aujourd'hui, ils sont représentés par deux des membres, hein, et ils ont l'habitude de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pratiquement tous les ans, sauf là avec le Covid, donc on est vraiment content de les retrouver. Il s'agit de Benoît et David. Bonsoir. Salut Albino. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Écoute, super. Bah, ça fait plaisir vraiment plaisir de vous retrouver ici. Hein. Vous êtes comme à la maison, hein. Vous faites comme chez vous. Hein, de toute façon. Et on se disait ça, c'est vrai que ça fait 3 ans, hein, presque, qu'on n'était pas venu. Donc tu vois, ça fait vraiment plaisir de revenir te voir en fait. Alors, en plus, je vois que vous avez un petit peu accéléré les choses, puisque d'habitude vous venez au mois de décembre. C'est vrai que c'était devenu une tradition. Et cette fois-ci, vous n'avez pas pu attendre plus longtemps. Donc le 18 novembre, vous êtes là avec nous dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de tout ce qui s'est passé. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a eu déjà le Covid, hein, qui nous a empêchés de faire des émissions pendant un certain temps. Et vous, en tant qu'artiste, je suis sûr que ça vous a énormément impacté aussi. Hein. On a beaucoup tourné, on a fait, évidemment, en 2020-21, c'était très compliqué de faire des concerts. Ouais, c'est ça. Mais vous en avez fait quand même, comme sur Internet. Comme tous les artistes, et puis ça a bien repris en 2022, on a fait un bel été avec plus de 50 concerts durant l'été, donc c'était plutôt cool. Mmh. Et d'ailleurs, vous étiez passé aussi à Olivet, un concert à Olivet, c'était au Tire-Bouchon, c'est ça, hein? Ouais, c'était pour le festival, c'était un festival de la bière qui a eu lieu à Olivet. Du coup, on est venu jouer à la maison. C'était un bon souvenir. Voilà, très bien. Il y en a eu d'autres des bons souvenirs que vous avez eus avec la reprise des concerts là. Il y avait celui-là déjà à Olivet. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans d'autres régions et tout ça, hein? En fait, on s'est pas vraiment arrêté. On s'est un peu arrêté, évidemment, par la force des choses. Mais en 2020, surtout sur l'été 2020, il y avait quand même une bande de courageux, quand même, que ce soit dans les quelques festivals, des municipalités aussi, qui avaient tout mis en œuvre pour que les concerts se passent. Alors, il y avait... C'est assez étrange, hein. Il y a eu pas mal de concerts avec les gens assis, le premier rang à 30 mètres de la scène, tu vois. Ouais, j'imagine. c'est pas l'idéal pour un concert de rock, mais enfin, non, mais quand on n'a pas le choix. Ça permettait de jouer, que les gens aient surtout ce bonheur de se dire la vie s'arrête pas quand même, tu vois. On va voir un concert de rock ce soir, même s'il faut que je reste assis sur ma chaise, que je boive un coup tout seul sur mon fauteuil, mais on se prend quand même des décibels dans la tronche et on fait la fête quand même. Donc bon, je te cache pas que après 3 minutes de son de titre, les gens se lèvent rapidement, ça va très vite. On oublie très vite le Covid. Voilà, mais en tous les cas, bravo à tous ceux et toutes celles qui avaient pris l'initiative de maintenir des choses. Il y a eu quand même des choses qui sont maintenues et on n'a pas été à l'arrêt total pendant un an ou deux. Ça a été, on a eu vraiment cet arrêt entre le premier confinement, entre mars et juillet, et après on a continué à jouer un petit peu quand même. Vous en avez profité aussi pour travailler dans votre studio, puisque vous avez un studio à Orléans qui s'appelle le studio Mea Culpa. Donc, ouais, c'est vrai que notre moyen continuer à faire de la musique. Mmh. Et puis, comme on est souvent sur la route, souvent en tournée, avec la Jari, beaucoup toute l'année. Et du coup, là, on était un peu obligé de rester chez nous, dans notre ville. Et on a fait des nouvelles chansons, on a écrit des nouveaux textes, fait des nouvelles compos, enfin, et on s'est enfermé, on a enregistré, voilà. Mm-hmm. On a enregistré, on a fait plein d'essais, et ça a donné l'album Super Époque, là, qui est sorti cette année. Ouais, le super album que j'écoute en boucle depuis quelques temps, hein, je commence à le connaître bien, parce que j'aime bien aussi aller au concert, et puis quand je connais les paroles, c'est encore mieux, quoi, parce que ça permet, vous avez pu vous rendre compte que moi, quand je suis au concert de la Jari, il y a beaucoup de gens qui connaissent les paroles et qui reprennent en cœur, et donc ça, c'est un truc formidable, je pense, pour vous en tant qu'artiste sur scène. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir, parce que c'est un peu l'essence même de notre métier, c'est-à-dire que c'est le partage, faire des concerts, que les gens communiquent beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment essentiel pour nous, artistes non essentiels, mais ça c'est essentiel, que les gens se sentent bien quand ils viennent à nos concerts. Ouais, on en parlait tout à l'heure hors antenne, justement, on disait que voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas soi-disant essentielles pendant le Covid, hein, donc les artistes, les stations de radio, donc nous on avait dû arrêter certaines émissions parce qu'on n'avait pas l'autorisation finalement de venir et de repartir ou alors de se déplacer tout simplement. Donc avec le confinement, forcément ça nous a tous impacté et donc là maintenant heureusement ça repart un petit peu. Alors vous avez fait déjà combien de concerts depuis la reprise? Vous l'avez dit, bah, écoute, en 2022 on a fait une cinquantaine de dates, sur l'été, ouais. Ouais, on en a fait beaucoup aussi en 2021, évidemment, mais ce qui avait été assez frustrant pour nous là sur cette période, c'est que nous qui aimons partir un peu à l'étranger, notamment au Canada, on n'a pas pu se rendre au Québec depuis 2020. Mmh. Et donc on fêtera notre tour au Québec en juin prochain, donc du coup on est ravis que ça se réouvre un petit peu, parce qu'ils voulaient pas prendre dans les programmations de festivals ou de concerts d'artistes qui venaient d'Europe à cause du Covid et des éventuelles annulations. Et là on est ravi de pouvoir repartir voir nos potes québécois entre autres l'année prochaine. Ouais, j'imagine. Voilà. Donc ça vous manque quelque part là d'aller voir les gens au Québec, en Amérique du Nord aussi. Vous allez aussi aux États-Unis cette fois-ci. Bah, c'est un travail en fait qu'on a démarré il y a quelques années maintenant, le développement de la Jarry sur différents territoires. Et c'est vrai que l'Amérique du Nord nous a tendu un peu la main au départ avec le Canada, le Québec, et puis après on est passé du côté Canada anglophone, Toronto, etc. Et puis on fait maintenant depuis quelques années régulièrement des concerts aux États-Unis, dans des villes comme New York, Chicago, Boston, enfin voilà, on est vraiment super content que ce projet est grossi de l'autre côté de l'Atlantique. En plus, depuis quelques temps, vous enregistrez aussi des morceaux en anglais. Chose qu'au début, bon, on pense toujours à la Jarry, groupe de rock français. Mais là, maintenant, il y a aussi un album complet en langue anglaise. Et d'ailleurs, l'album qui s'appelle Super Époque, hein, cet album que vous avez sorti au mois de mai, hein, si je ne me trompe pas, justement, commence par un morceau en anglais. C'est vrai, en fait, ce qui est important pour nous dans les concerts, d'abord, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'échange avec les gens qui sont au concert, le public, les fans qui sont là. Et nous, on a toujours parti du principe d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent nos paroles. Tu vois, donc quand on se retrouve à jouer à Toronto, à New York, etc., il y a évidemment un maximum de public anglophone et c'est important qu'ils puissent comprendre aussi les textes, eux. Donc c'est pour ça qu'on a fait un vrai travail de réécriture dans la langue de Shakespeare pour pouvoir tourner sur un public qui comprend ce qu'on dit. Ça a été un vrai travail, en fait. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile, d'ailleurs, on peut le dire. Hein, on n'a rien à cacher. Nous, on est francophones. À la base, on parle anglais comme beaucoup de personnes, mais pour enregistrer ce disque et se mettre à niveau des artistes anglo-saxons sur place, bah, nos équipes là-bas nous ont quasiment obligés à corriger notre accent, en l'occurrence le mien, puisque c'est moi qui chante. Et du coup, ça a été des heures, des mois, des jours, enfin de longs moments à corriger l'accent pour que les textes en anglais soient nickel, que l'accent soit nickel, que personne se demande d'où on vient. Enfin voilà, c'était une exigence vraiment de nos partenaires locaux, américains. Et du coup, c'est un travail qu'on a fait. Et maintenant, on est très contents de l'avoir fait, même si c'était assez dur au départ. Et même dans l'écriture, hein, il y a certains c'est pas seulement une traduction de vos morceaux. Il y a certains morceaux qui ont été carrément réécrit. Oui, c'est une réécriture. On ne peut pas faire de la traduction pure et dure. Bon, l'anglais, on connaît, puisqu'on a été tous les deux, d'ailleurs, mon frère et moi-même, à la fac d'Orléans en anglais. On a eu une maîtrise, on pourrait être prof alors qu'il est, mais on sait bien qu'en faisant de la traduction, version, thème, version, on ne peut jamais... avoir la musique, la consonance de la langue originale. Donc du coup, parfois, c'est plus simple de réécrire des choses qui veulent dire complètement oui, l'inverse parfois. Ouais, et puis on n'a pas les mêmes expressions. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut dire en français qu'on ne peut pas dire en anglais. Enfin, qui sonnerait pas. Enfin, tout ce qui est les dictons, les adages, etc. Ils ont les leurs aussi en anglais et le français a les siens aussi. Voilà. Donc, du coup, oui, parfois, quand on peut rester sur le thème du titre original français, on le fait. Mais quand on voit que c'est très compliqué, on n'hésite pas à reprendre la copie blanche et réécrire en anglais, en sachant quand même qu'on s'entoure d'auteurs aussi anglophones pour nous aider à avoir un texte anglais, comme disait Benoît à l'instant, avec des expressions, du slang à eux, tu vois, des choses qui leur parlent, qui parlent aussi aux Américains ou aux Anglais dans la vie de tous les jours. Et ça, ces expressions-là, si tu n'es pas né anglophone, tu pourras pas les avoir. Donc il faut avoir, comme disait tout à l'heure Benoît, une vraie équipe, un vrai travail d'équipe, d'auteur, pour pouvoir avoir un texte qui tient la route. Voilà. D'ailleurs, il y a un titre qui a été un petit peu compliqué à traduire, hein, c'est Liverpool, où justement vous dénoncez le fait qu'on peut faire du rock en chantant en français. Alors ça, si vous traduisez ça aux Anglais, ils vont pas être trop contents. Donc du coup, Liverpool est devenu Hollywood. Exactement, tout à fait. Ouais, c'était. On voulait garder cette chanson parce que on nous disait que c'était un vrai titre rock. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié puisque c'est un titre qui est passé sur pas mal de radios là-bas, notamment la fameuse radio de LA, la grosse radio K-Rock. Voilà, donc mais il a fallu retravailler avec un sens un peu différent, parce que quand on dit le rock en France, on sait pas faire, chez eux, ça avait aucun sens. Oui, tout à fait. Donc là, on comprend très bien qu'il fallait changer complètement les paroles. Mais en attendant, la consonance, elle y est quand même. Hollywood, hop, ça sonne un peu comme Liverpool, donc forcément... Ouais, puis ce qui était important, c'était de garder l'énergie, en fait. C'est un titre bien rock, il fallait qu'on conserve ce côté... où on braille, où on est en sueur, et voilà, c'était vraiment le but sur cette chanson. Voilà, on a parlé de cet album donc qui est sorti au mois de mai. L'album s'appelle Super Époque et c'est un super album parce que franchement, moi j'ai écouté tous les morceaux, ils me plaisent tous différemment. C'est-à-dire que il n'y a pas un titre ou deux titres que j'ai envie de réécouter, mais c'est j'écoute l'album, j'arrive à la fin, je réécoute l'album et franchement il y a de la très bonne musique. Et puis bon, il y a des morceaux aussi que j'ai découvert justement en concert, parce que à chaque fois qu'il y a un concert sur Orléans de la Jarry, bah je suis là hein, forcément. Et justement, j'ai envie de faire écouter le teaser de cet album-là pour faire un peu découvrir les différents titres à nos auditeurs. C'est parti. On a tous les mêmes meubles suédois à la maison. On mange tous la même bouffe dans les mêmes restaurants. C'est ça l'évolution. On s'habille tous avec les mêmes fringues qu'on achète dans les mêmes boutiques. À Paris, Bruxelles ou Montréal. Ça aussi c'est l'évolution. C'est ça l'évolution. Yeah. C'était le teaser du nouvel album Super Époque, et on a écouté un morceau enchaîné qui ne fait pas partie de cet album-là. D'ailleurs, c'était le combien d'albums ? Vous avez fait combien d'albums en tout depuis le début de la carrière ? Écoute, je crois que Super Époque, je crois que c'est le sixième, Benoît. C'est ouais, ça. C'est ça. Sixième ça. Album. Ouais. Et Mea Culpa qu'on vient d'entendre, c'était sur le premier. Voilà. Et ça fait combien de temps que le groupe existe ? Ça fait une vingtaine, au moins. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, parce que moi, pendant la 20e année, j'ai passé toutes les semaines un morceau de la Jarry dans l'émission Mavrika. Ça, c'est gentil. Hein, donc, je savais que c'était la 20e année de la Jarry. Donc, toutes les semaines, il y avait un morceau différent. Et donc, ça m'a permis d'un petit peu de découvrir tous vos morceaux. Et Mea Culpa, c'est un des premiers grands succès que vous avez eu. D'ailleurs, c'est le nom du studio que vous avez sur Orléans. En fait, la Jarry, c'est l'histoire de deux frères. Donc, c'est David à la guitare et moi, Benoît, au chant. Mmh. Et puis, on a notre bassiste Arnaud et notre batteur Alex, et en fait c'est un projet qu'on a essayé de faire vivre depuis 20 ans. Au début, on a fait comme tous les groupes de rock, hein, c'est-à-dire qu'on a fait des concerts dans les bars devant 4 personnes, le lendemain devant 6, devant 8, etc. Au fur et à mesure des années, on vendait notre petit CD autoproduit à la fin des concerts. Et puis à un moment, on s'est fait repérer par une major, une maison de disques, et on a pu basculer en major en 2002. et on a eu accès à d'autres choses, d'autres médias, plus de monde, des festivals plus gros, des salles de concert, enfin voilà. Et on a toujours cultivé ce côté terrain, en fait, faire des concerts devant les gens, puisque nous on est parti de la base, hein, et puis on a fait notre public comme ça, très simplement, sans l'aide de qui que ce soit, en tout cas juste nos potes, nos petits partenaires, nos petits artisans de la musique. Et puis plus de 20 ans après, on continue à enregistrer des disques et à faire des concerts devant plus de monde. Voilà, c'est notre histoire, notre passion qui est devenue notre métier. On a l'impression de pas travailler, pourtant c'est notre métier. c'est vrai que vous avez cette chance-là d'avoir fait de votre passion justement votre métier. Vous vivez de ça, et donc partant d'un petit groupe, donc au début vous avez commencé à jouer devant quelques personnes. Aujourd'hui vous remplissez des grandes scènes. Moi j'ai eu l'occasion de vous voir déjà à chaque fois dans plusieurs grandes salles, et à chaque fois c'était comble. Donc et puis à chaque fois c'est un super bon moment. Qu'on partage ensemble. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, et vous voyez comment l'avenir, vous allez continuer encore très longtemps à faire cette musique-là, c'est ce que vous voulez Ouais, on a très envie, hein, de continuer à écrire des chansons, en fait, parce que finalement, je crois que la passion, c'est ça, la passion de la musique, c'est quand t'écris des chansons, enfin en tout cas pour moi, c'est ça, c'est le fait d'avoir des choses à dire, d'avoir des mélodies, et puis d'essayer de le faire partager. Et la vie nous inspire aussi. Hein. Beaucoup de choses à dire en ce moment. Là. Non, donc on est que qu'on se le dise, on n'est pas prêt d'arrêter pour l'instant. Bah oui, bah j'espère en tout cas aller encore très longtemps dans mon concert, et puis continuer à découvrir des nouveaux disques. Et puis là, on parlait de l'actualité. C'est vrai que même des fois j'écoute l'actualité, je me suis dit, tiens, ça se trouve Benoît, il a une idée là-dessus derrière. Alors déjà il y a eu le Covid, il y a eu les guerres. Je sais que bon, il y a des petits trucs. Ouais. Souvent, ça revient un peu dans les chansons. Je te gâche pas que j'évite beaucoup maintenant, depuis quelques temps, pas si longtemps que ça, mais depuis quelques temps, j'évite beaucoup de mettre beaucoup de médias, les chaînes d'infos, les actualités, machin, parce que je me suis aperçu que moins tu les écoutais et plus t'étais en forme et plus t'avais le moral. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est un premier truc. Et nous, notre média, en fait, comme on a la chance de faire beaucoup de concerts, eh bien, c'est en discutant avec les gens. Et voilà, c'est aussi ça qui permet de nourrir la vie, de nourrir les textes. Et c'est quand le mec il te raconte que il a du mal à s'en sortir et que grâce au concert, il a un meilleur moral ou. Après, il peut y avoir des trucs gays aussi. Enfin, les gens partagent beaucoup, en fait, quand tu discutes avec eux. Et c'est aussi intéressant que d'allumer la télé ou de mettre la radio pour écouter les news. Quand tu mets les radios, ils ont tous les mêmes titres, toutes les mêmes infos à donner. Donc voilà, nous, on essaie d'aller les chercher un peu ailleurs aussi. C'est vrai qu'il nous parle de plein de choses qui se passent dans le monde entier, et souvent c'est bien aussi de s'intéresser aux gens qui sont devant nous, qui sont avec lesquels on peut discuter, et donc les problèmes qui peuvent nous parler, c'est des choses qui peuvent nous toucher beaucoup plus que ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Ah bah c'est évident qu'en plus avec tous les moyens de communication mis à notre dispo aujourd'hui, entre les textos, Facebook, Messenger, c'est pareil. Parfois, je regarde des gens qui s'échangent des textes. Je leur dis, prends ton téléphone, c'est mieux, non? Tu crois? Tu entends la voix, tu discutes, c'est plus rapide, il y a une vraie spontanéité. T'as pas avec le texte, enfin je sais pas, après c'est... Ouais, voilà. Et puis même des fois les gens se téléphonent ou s'envoient des messages alors qu'ils peuvent se rencontrer tout simplement. C'est quand même le meilleur moment, être ensemble, passer un moment ensemble, manger ensemble, boire un coup, voilà. Mais bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on passe souvent par la technologie, par le téléphone, par toutes les choses qui sont à notre disposition. Disons, puis, on est tous pareils, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de se faire un petit point avec soi-même et de se dire, tiens, là, j'aurais pu être meilleur là-dessus. En écoutant ton album, tu vois, ce que tu me dis là, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. C'est vrai que des fois, tu dis, dans les morceaux, tu dis les choses, c'est pas bien, c'est bien, Et finalement, je me rends compte que tu es un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que bah, tu fais comme les autres, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas bien. Je fais beaucoup de conneries. Mais par exemple, dans J'aime ma planète, voilà, l'avion, on prend l'avion, et pourtant, on aime notre planète, et on pollue à cause du kérosène, etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc, on voit bien que tu es partagé un petit peu avec ce qu'on... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les médias aussi nous culpabilisent peut-être aussi. Vous n'avez pas cette impression-là que oui, je pense que c'est. On nous culpabilise beaucoup en disant qu'on est responsable de tout et tout ça, alors qu'en vérité, on est tous pareils. Yes. Il y en a certains plus que d'autres même. Hein. Bah, c'est ce qu'on dit dans notre chanson. On n'a pas le choix. Hein, c'est ouais. Payer l'essence trop cher. On n'a pas le choix. Rester solidaire. On n'a pas le choix. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours parce que finalement, on n'a pas le choix. On nous l'impose. Tout à fait, on nous l'impose. Donc. Je pense que c'est aussi apprendre avec un petit peu de hauteur et essayer de faire au mieux. Voilà. Alors, on essaie de faire au mieux. Voilà. Il y a plein de choses à faire et puis au fur et à mesure. Donc les sujets justement, c'est les sujets de tous les jours. C'est aussi l'amour. Il y a toujours l'amour dans vos chansons. Comment les idées viennent? Mais écoute, quand t'écris une chanson, il y a différentes manières de composer selon les artistes. Pour nous, on va parler que pour la Jarry, hein, parce que chacun a sa méthode. Ça peut partir d'une mélodie sans le texte. Et puis parfois, on a aussi des phrases qui viennent percuter comme ça et qui vont donner des chances à une chanson. On parlait de la chanson On n'a pas le choix là, qui est sur notre dernier album. Eh bien, on est parti de cette phrase. Tu discutes avec quelqu'un, puis le mec il te sort, ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix, voilà. Et ça fait tilt dans la tête. Et un quart d'heure après, la chanson est terminée avec le texte, voilà. Et puis t'as d'autres chansons où on met 3 mois à la faire parce que on trouve que ça sonne pas, que ceci, que c'est, voilà. Il y a pas de recette miracle. La chanson est terminée quand on décide qu'elle est terminée, en fait. Voilà. On l'écoute, ce morceau, On n'a pas le choix, on en a déjà parlé plusieurs fois, on l'a déjà écouté très souvent dans l'émission Mavrica. Je propose qu'on écoute tout de suite ce morceau-là, alors. Se dire que tout va bien, on n'a pas le choix, la vie comme Donc on a écouté ce premier morceau de cet album, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, et il y en a plein à écouter encore. Donc on va essayer d'en passer pas mal de cet album, et pas que, on en a certains aussi qui sont calés pour nous parler aussi des autres albums précédents. Voilà, donc c'est pareil, pendant le confinement, vous aviez fait aussi un concert du studio. Donc voilà, c'était un petit peu particulier. Donc du studio, vous avez eu l'idée de faire un concert en direct qui a été suivi par beaucoup de personnes, hein, par tous les fans. Ouais, parce qu'on avait plein de messages, en fait, bah, évidemment, hein, de gens qui nous demandaient des nouvelles du groupe, etc. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on peut pas rester comme ça sans rien faire, sans être en contact avec tous les gens qui nous suivent. Et on a décidé de faire un concert dans notre studio à Orléans. Studio Mea Culpa. Et puis ben un jour on a sorti les instruments et on a mis des petites caméras devant et d'ailleurs on peut le voir sur internet, il est toujours visible, toujours là, ouais. Voilà, on a fait un concert virtuel. Un concert virtuel, et en plus donc il y avait la captation vidéo et il y avait aussi le son, donc le son est excellent aussi, hein, donc on avait l'impression pour les gens qui n'avaient pas la possibilité d'aller au concert pendant ce moment-là, bah, d'assister à un concert, donc c'est pas aussi bien que le vrai, mais ça a permis de garder le contact justement avec les artistes, hein, donc les gens qui pouvaient pas justement aller vous voir en concert ont pu vous suivre sur ce concert virtuel. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait, hein, c'était un peu notre moyen de continuer à s'exprimer et de rester en contact et à garder le contact. Ouais, c'est ça. Mais bon, je te cache pas que j'ai pas tellement aimé, pour être très honnête. D'accord. Ouais, j'aime bien c'est une sensation un peu bizarre, tu vois. Ah ouais, tu joues ton titre et puis derrière il y a pas le retour qu'il y a d'habitude, tu vois. Donc, je préfère quand il y a le public qui est là. Voilà, à défaut, c'était bien, mais bon, à la limite, c'est mieux le concert. Donc il faut aller vous voir en concert dès que c'est possible. Et justement, quels sont les concerts que vous allez avoir très bientôt là? Est-ce qu'il y a certains concerts que vous voulez annoncer de ce soir? Écoute, on joue là, la tournée s'est arrêtée début octobre suite à toutes nos dates de 2022. Il reste une date dans les Pyrénées, près de Tarbes, à Vic-en-Bigorre exactement, pour ceux qui nous écoutent sur le web là, qui sont dans les Pyrénées, le 17 décembre, tu vois, une semaine avant Noël. Et puis la tournée reprend en mars. On va faire le festival Rock the Piste, qui est un festival dans les Alpes. Et puis après, on partira un peu partout. Il y a une date d'ailleurs qui s'est calée, j'en profite pour vous dire qu'il y a une date qui s'est calée à Orléans. On jouera, je crois que c'est le 1er avril. C'est un poisson. Hein. Je l'attendais. Le 1er avril à l'Alliage, qui est une nouvelle scène à Olivet. Donc c'est le 1er avril. Et je crois que les places seront en vente d'ici la fin du mois de novembre. Voilà. D'accord. Donc c'est une grande salle. J'ai entendu parler, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Vous avez déjà vu comment c'était l'intérieur, non? Non, on n'a pas vu. Je sais que c'est une nouvelle salle qui a ouvert il y a pas très longtemps. C'est une belle salle, une grande salle, comme tu dis. Et donc on va être très content de faire du rock and roll. Du côté d'Orléans. D'accord, donc du côté d'Orléans, à Olivet, ce sera le 1er avril, donc la Jarry sera en concert. Alors qu'est-ce qu'il y a actuellement quand vous faites un concert? Vous mettez quoi? En priorité les morceaux du dernier album, vous revenez aussi un petit peu en arrière avec tous les succès, hein, il y a pas mal de morceaux. Et quoi d'autre? Bah, en fait, comme on a eu beaucoup de concerts cette année, on jouait quasiment tous les soirs pendant tout l'été. Il y a des jours, des semaines où on jouait 5 fois par semaine, par exemple. Donc on essayait de changer un peu les chansons selon les concerts. Donc voilà, on sait pas trop. On sait jamais. Alors c'est l'une des particularités du groupe. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme nous, mais on sait jamais ce qu'on va jouer une demi-heure avant d'entrer sur scène. D'accord. Ouais. C'est un petit risque quand même. En fait, on sait qu'on va jouer certaines chansons, mais on sait aussi qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter au dernier moment, selon l'ambiance, selon l'envie, selon l'atmosphère. Voilà, c'est un peu notre petit caprice entre guillemets. C'est-à-dire qu'au dernier moment, on se dit, tiens, ce soir, on va jouer celle-là, une demi-heure avant de rentrer sur scène. D'accord. Donc, vous, en plus, vous pouvez vous le permettre, parce que vous avez quand même des excellents musiciens qui s'adaptent tout de suite. Hein. On a la chance d'avoir une équipe... c'est ça qui est sympa dans un groupe de quatre, c'est que on a une vraie équipe rythmique d'enfer entre Arnaud à la basse, qui fait vraiment partie des meilleurs bassistes, je pense pour moi sur le réseau rock aujourd'hui. Et puis Alex à la batterie, qui est un vrai métronome, une pointure, et puis qui c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec des musiciens exceptionnels. Et donc qui aide beaucoup du coup, à la création aussi. Voilà, c'est des personnes qui vivent le rock'n'roll comme nous. On parle la même langue là-dessus, et donc du coup ça, quand on est sur scène ensemble, on a juste à s'écouter. On n'a même pas besoin de se dire quoi que ce soit. On écoute et tout fonctionne. Ça, c'est la complicité, ça s'appelle. Ça s'appelle un groupe. Ça s'appelle un groupe. Non, mais c'est vrai que moi je vois des fois dans des groupes, il y a des petits détails comme ça, parce que comme je reçois beaucoup de personnes ici, je les vois après en concert et je vois les petits clins d'œil, les regards simplement, juste un regard. Et moi, je le comprends et je suis sûr que le public n'a rien vu. Et tu vois, c'est des petits trucs, c'est des trucs de complicité quand on connaît les personnes. Et on sait aussi que justement, les autres musiciens sont à l'affût. Par exemple, si on remet un couplet supplémentaire, ou alors si on fait durer un peu le morceau un peu plus longtemps, ils le comprennent et puis font leur petit truc derrière, la petite boucle qui permet, par exemple, si David il veut continuer son solo et puis le continuer un petit peu plus longtemps, donc je vois tout de suite Arnaud et Alex qui s'adaptent tout de suite. Donc, et ça, c'est des choses qui se ressentent, hein, et c'est ce qui fait aussi la force du concert, parce que c'est vraiment ça le live en fait. C'est le live. Vivant, voilà, c'est la musique vivante, et c'est ce que j'aime, moi. Alors écoutez, l'album c'est super bien, hein, mais c'est vrai que écouter en concert c'est encore mieux, quoi. C'est vraiment, ils sont là, ils sont en train de jouer au moment précis, hein, où on est là. Ah bah, de toute façon, les concerts c'est notre vie. Je pense que si il n'y avait pas les concerts, je suis pas certain qu'on continuera à faire ce métier. C'est vraiment ce pourquoi on se lève le matin, c'est pour pouvoir aller sur scène. C'est vraiment, voilà, c'est la scène, c'est le rock, c'est ça dans les tripes, voilà, qu'on a. Très bien, on va écouter encore un petit peu de musique, parce qu'on a pas mal de morceaux à écouter, surtout dans ce dernier album qui est super. Alors moi, je regarde un morceau, je me dis, tiens, celui-là, on va le passer. Celui-là aussi, il faudrait qu'on en parle, et celui-là aussi. Donc, le temps passe, et puis on va revenir donc au morceau qui est en anglais, hein, qui est le premier morceau de cet album, qui s'appelle « Precious Time ». Alors, il parle de quoi ce morceau-là ? Parce que moi, justement, vous êtes meilleur en anglais que moi. Donc, Precious time, en fait, ça veut dire... on va aller droit au but, en fait. On va pas perdre de temps pour arriver au même résultat à la fin. Mm-hmm. Donc, on va essayer d'y aller direct. Alors là, évidemment, on parle aussi d'une relation avec une fille, mais c'est aussi valable pour plein de choses dans la vie. Mm-hmm. On parlait des trucs que tu peux faire en 5 minutes et qui prennent une heure. Enfin voilà, on le fait tous. Et essayons d'aller tout droit de temps en temps. Et je pense que le thème de cette chanson, c'est ça. Très bien, on écoute tout de suite le groupe L'Algérie avec, tiré de l'album Super Époque, le morceau Precious Time. Baby, Voilà donc le premier morceau de cet album hein, qui a 12 morceaux en tout, hein, donc un vrai super album, Precious Time. Alors il y a pas mal de musiques différentes, il y a beaucoup d'inspirations différentes aussi, et il y a aussi une reprise parmi tous les morceaux. Yes, tout à fait. Yes. Et quelle reprise, parce que c'est un des plus beaux morceaux, je dirais, de la musique française. Hein, il faut quand même le dire. Donc c'est une reprise de Monsieur Alain Bashung. En fait, on est bien sûr fan de Bashung dans l'écriture, le personnage, les chansons, et on avait été un petit peu déçu sur l'album qui avait été enregistré par plein d'artistes qui est pas Vertige de l'amour, tu vois. Et on s'est dit il faut qu'on essaie de l'enregistrer, qu'on essaie de la réadapter, voir ce qui se passe. On prend la guitare, on prend la basse, on prend la batterie, Benoît met sa voix dessus et on voit ce qui va se passer, et voilà, et on a dit bon, ce serait vraiment bien de l'enregistrer finalement, parce qu'elle est cool, et on la joue en live, en plus les gens adorent évidemment réentendre du Bashung. Donc c'était, on s'est pas posé deux fois la question pour la mettre sur le disque. Vous avez choisi ce morceau-là, mais c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui avaient pu être repris par d'autres artistes. Hein. J'en connais plusieurs qui sont venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui reprennent des chansons de Bashung. Et c'est vrai que Vertige de l'amour, peut-être que c'est une des chansons les plus connues, peut-être une des plus difficiles justement à reprendre aussi, parce qu'il faut quand même respecter l'original tout en apportant votre touche. Donc et je pense que c'est tout à fait réussi ce morceau-là. Je sais pas comment vous le percevez aujourd'hui, mais vous l'êtes accaparé, c'est un peu votre morceau aussi, même si c'est toujours la version de Bashung. On essaie de rester fidèle à l'original, en tout cas, mais évidemment, la personnalité de chaque musicien de la Jarry a fait qu'on se retrouve avec une version un peu différente, forcément. Mais en tout cas, notre objectif, c'était vraiment de coller à la chanson, à l'écriture de la compo. Et qui a de toute façon une consonance très rock quand tu écoutes la version originale de Bashung dans le fait d'aborder cette chanson qui est sortie en 80. Il y a vraiment une essence rock, rock'n'roll. Donc finalement, quand tu fais du rock, c'était pas si difficile que ça d'arriver à retrouver l'esprit d'Alain Bashung. On l'écoute tout de suite. Allez, good. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. La mer sup m'a vu venir, Dieu avait mis Donc c'était le morceau de reprise de Monsieur Alain Bachung, Vertige de l'amour, reprise par nos invités de cette émission numéro 528. Il s'agit du groupe La Jarry. Ils sont là présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont représentés par Benoît et David. Et on parle de plein de choses, hein, et surtout on a envie de tout savoir sur La Jarry. 3 heures, ça va faire un peu court. Surtout qu'en plus vous avez apporté aussi des instruments. Donc il y aura du live, hein. Vous avez prévu ça comme ça? Vous avez prévu combien de morceaux? Un ou deux titres, avec plaisir, avant de repartir. Et puis, on a aussi cet album à découvrir, donc Super Époque. Alors moi, j'hésite, hein, je regarde, je dis, tiens, quel morceau je cale juste après? Alors on s'est dit, tiens, celui-là, on a envie de tous les passer. Donc, si on papote beaucoup, on n'aura pas le temps de passer tout. Donc, on va essayer de faire au maximum. Donc, cet album, il est sorti au mois de mai 2022. Mm-hmm. Vous avez mis combien de temps à l'enregistrer? Vous êtes chez vous, vous avez le studio, donc vous prenez votre temps, je suppose. On prend notre temps, c'est vrai, pour enregistrer les disques. On a la chance de pouvoir le faire chez nous, comme tu dis. Après, tu vois, il n'y a pas de règle non plus, parce que là, on est de nouveau en studio. Le successeur de Super Époque est en train d'être composé. Enfin voilà, non. Et quasiment ouais, frais, bosse, hein. Donc parfois on va vite, parfois on est plus lent. D'accord. Donc des fois vous mettez plusieurs mois, voire un ou deux ans avant de sortir un morceau. Ça peut prendre du temps. Ouais. Mm-hmm. Et après vous sortez aussi il y a les albums, donc vous avez dit qu'il y en avait à peu près 6, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est possible. C'est possible, parce que je regarde, est-ce que ces albums là on peut encore se les procurer tous? Ils sont tous disponibles, hein, sur les plateformes, évidemment. Ouais. Et puis après, en cherchant dans les brocantes. non mais c'est vrai qu'ils sont tous ils sont tous distribués, donc ils sont dans les magasins, sur les sites ou sur les plateformes en digital, souvent, ou en concert aussi. Ou en concert aussi, hein, ouais. Donc voilà. Surtout en concert d'ailleurs. Ouais. Et il y a aussi quelques singles que vous avez sortis aussi, des petits singles avec un ou deux titres. C'est vrai. Et alors ça comment ça se passe? C'est des morceaux que vous intégrez forcément aux albums suivants, ou est-ce que vous, par exemple, on n'a pas le choix, vous l'avez sorti en single, il est sorti quelques temps après dans cet album, mais est-ce qu'il y a aussi des morceaux que vous n'avez jamais intégrés à vos albums? Donc des morceaux rares, quoi. Ça doit exister. Je pourrais qu'on se remémore ça, mais je pense qu'au début du groupe, ouais, il devait y avoir des singles, ouais. D'accord. Ouais. Voilà, je dis ça en tant que, parce que moi j'ai recherché un peu tous vos albums, j'écoutais un petit peu tout. Je suppose qu'il y a des gens comme moi qui recherchent justement des perles rares, qui ont envie d'avoir toute la discographie aussi. Oui, on nous demande souvent, notamment en concert, quand on rencontre les gens, où est-ce qu'ils peuvent trouver tel ou tel single, tel ou tel pressage. Donc quand on en a encore, on est très content de leur filer, mais quand on en a plus, même nous on n'a pas tout, nous. Tous nos pressages, quoi. ça c'est un truc bizarre. C'est comme moi, j'ai dans l'émission Mavrika, à la fin de chaque émission, j'ai le livre d'or, donc je vous donne une feuille avec l'affiche de l'émission et vous mettez un petit mot, et il y en a certains que j'ai pas. Voilà, donc c'est un peu frustré de savoir, voilà, j'ai fait tant d'émissions et il y en a certaines qui sont pas représentées dans cet album là et vous, donc vous avez fait plein d'albums et tout ça, et vous avez certains enregistrements que vous avez plus, quoi, donc que vous les avez eu entre les mains, et que finalement ça doit faire un petit peu drôle, quoi. Oui, après c'est aussi tu vois, par exemple, le premier album Intact de 2003, très très compliqué pour le choper, faut aller sur eBay, même nous je crois qu'on l'a plus. C'est une histoire de droit, après maison de disques qui réédite pas forcément, donc il faut le retrouver sur internet par différents biais. Donc voilà, c'est pas forcément évident d'avoir tout le temps tout. Voilà. Donc vous avez enregistré cet album là il y a quelques temps, donc ça s'est fait dans le courant de l'année dernière. Il est sorti au mois de mai, et puis on peut le retrouver, celui-là en tout cas, on le retrouve à tous vos concerts, c'est oui, ça oui, celui-là il est Il est dispo. Il est dispo. Voilà. Très bien. Alors, on a parlé aussi des concerts que vous alliez faire. On va rappeler pour les Orléanais que le 4 avril. Le 1er avril. Le 1er, je sais pas pourquoi je dis le 4. Le 1er avril, vous serez dans Orléans, dans la grande salle, l'Alliage, c'est ça? À Olivet. Ouais. Voilà. Donc, concert à retenir, hein. C'est un samedi soir. Je crois que c'est un samedi soir, tout à fait. Ce sera une belle fête parce que on aime bien. C'est un peu. On est d'Orléans, nous. On est né ici. On a grandi ici. On est allé à la fac ici. Et on se met un point d'honneur, si tu veux, à travers tous les concerts du groupe un peu partout, à toujours essayer de venir au moins une fois ou deux fois, une fois par an ou une fois tous les deux ans minimum à Orléans pour qu'on puisse faire un concert de la Jarry pour les gens qui nous ont connus tout petits et puis ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On peut le rappeler aussi pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la Jarry, c'est un quartier d'Olivet, hein, c'est ça, hein. C'est un nom de rue d'Olivet, ouais, tout à un fait. Nom de rue. Il y a une rue qui s'appelle rue de la Jarry, qui est à Olivet, c'est là où on a démarré à répéter avec le groupe. Voilà. D'accord, bah, très bien. Bah, comme et ça, et du coup, tout. On a choisi le nom la Jarry grâce à ça, parce qu'on bossait, enfin on répétait là-bas. Ouais. Donc on s'est dit, tiens, on va pas aller chercher loin. C'est original, effectivement. Donc, la Jarry, vous êtes les seuls à vous appeler comme ça? Moi, je sais qu'il y a un parc Jarry. Il y a un parc et il y a aussi un artiste à Montréal. Et Jarry, un artiste tout à fait, qui nous a accueillis d'ailleurs quand il est venu à Orléans. Ouais, le comique Jarry. Tout à fait. Qui est un gars qui est très sympa d'ailleurs, et c'est un mec cool. C'était marrant parce que quand il est venu donner son concert au Zénith d'Orléans, enfin son concert, son spectacle, parce que c'est un one man show, il a dit, tiens, la Jarry, c'est l'occasion qu'on fasse un truc ensemble, et il nous a invités sur scène durant son spectacle au Zénith à venir faire un petit live, ouais, faire un clin d'œil. Voilà. J'étais au courant parce qu'il y a des personnes qui ont été voir justement cet artiste, hein, Jarry, et il m'a dit, bah il y avait le groupe La Jarry, on a eu la chance d'aller voir et tout ça. Et j'ai dit, ouais, bah, et en plus le même nom, donc ce petit clin d'œil là était vraiment sympa, je l'ai trouvé aussi. Donc ça s'est passé il y a quelques temps, et donc c'est un très bon souvenir pour vous. Ouais, c'est reconnaissance aussi. Non, mais c'est sympa. En plus, ça prouve que on est là pour faire de la musique, faire du one man show, enfin faire la fête, on est ensemble, bien quoi. Sûr. Ok, donc ce que je propose, c'est qu'on écoute un autre morceau. Alors cette fois-ci, j'ai choisi le morceau Évolution. Hein, donc il faut bien écouter les paroles, parce que moi je trouve que ça parle bien de l'époque d'aujourd'hui, et donc il y a des bonnes choses, mais pas que des bonnes choses. De notre super époque. Super époque. C'est ça l'évolution. C'est ça. Deux morceaux à la suite. Un morceau dont on va parler justement, c'est le morceau qui s'appelle Évolution, qu'on a écouté, qui fait partie du nouvel album Super Époque. Et là, on vient d'écouter un autre morceau qui est tiré de quel album celui-là ? Je résiste. Ça, c'est Radio Robot, je crois. Hein. Radio Robot ? Ouais, c'est ça. Si je me souviens bien. Voilà. Donc, je la connais cette chanson souvent parce qu'on la joue quasiment à chaque concert. Ouais. Je résiste encore parce que c'est vrai que c'est une belle chanson, hein, en même temps. On parle beaucoup de ce qui s'est passé avec tous les Nice, Bataclan, Saint-Étienne-de-Rouvray, et tout ce qui se passe. Et on nous dit on veut nous enlever nos libertés, on veut nous empêcher de faire ceci, on veut nous empêcher de faire cela. Et nous, on résiste encore. Et voilà, c'est un peu le message. Donc, on le joue souvent. Ouais, j'ai l'impression qu'on oublie un peu de temps en temps, on oublie tous ce qui s'est passé, mais quand tu vas dans des villes comme Nice notamment, il y a eu d'autres endroits évidemment, mais comme disait David, mais c'est quand même des événements qui ont marqué toutes les familles, etc. Et je pense que c'est important de, à chaque fois, de pas oublier ce qui s'est passé pour rendre hommage à toutes ces familles notamment. Mmh. Voilà, ça, en tout cas, c'est une très belle chanson et j'aime bien justement le message qui est, comme dans beaucoup de chansons, à vous, justement. Pendant qu'on a écouté de la musique, il y a aussi un musicien que j'ai eu l'occasion de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, c'est Moustapha du groupe Birmingham. À l'époque, il était venu avec le groupe Birmingham. Alors, aujourd'hui, le groupe Birmingham, je crois qu'il est en stand-by, hein, il ne fonctionne plus, mais et lui, lui et justement il s'est il s'adonne à sa nouvelle passion, l'aviation. Il a construit lui-même son avion et il vole et tout ça, et donc il vous passe le bonjour. Salut Mousse, hein, c'est gentil, c'est... Donc ça nous fait plaisir d'avoir de ces nouvelles dans l'émission Mavrika. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, hein, et puis qui aime beaucoup la musique, il aime beaucoup ce que vous faites. Donc, et puis Mousse, il a arrêté la musique parce qu'il n'a pas de personne pour poursuivre avec lui. Si vous avez envie d'avoir, si vous avez un bon niveau, hein, parce que Mousse c'est quand même un des meilleurs bassistes de la région. Donc, si vous avez envie de faire un groupe, poussez-le un petit peu. Je pense qu'il aimerait bien ressortir sa basse et refaire des concerts. Voilà. Je sais que il y a beaucoup de groupes, hein, d'Orléans ou de la région même, parce que. Nous, on en voit pas mal, finalement, grâce au studio Mea Culpa, où les groupes, il y a beaucoup de groupes locaux et régionaux qui viennent enregistrer. Ouais, ils m'en parlent quand ils viennent ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, ça nous permet d'avoir un œil, évidemment, assez attentif et connecté avec la scène orléanaise. Et c'est vrai que bah, Mousse, je me souviens bien de son projet avec Eric à la guitare, ouais. Pour Birmingham. Ouais, Birmingham. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de croiser les musiciens pour parler un petit peu de notre ville et de la musique, quoi. Mm-hmm. Il y a d'autres personnes aussi qui ont enregistré dans votre studio. Il y en a plein qui sont passés ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y a par exemple Léo. Léo, tout à fait. Ouais, Léo. Elle m'avait parlé, tiens, oui, tout à fait. Ouais, Léo, elle m'a parlé de Benoît et tout ça. Tout à fait, c'est une fille qui joue de la guitare, ouais. La guitare sèche avec sa voix, qui fait ses compos. Je conseille à tout le monde d'aller écouter, c'est une très bonne artiste. Ouais, elle est venue deux fois ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel avec sa guitare. Elle interprète des morceaux en live. Et puis dernièrement, il y a aussi un morceau qui est sorti il y a pas très longtemps, ce mois-ci, avec justement plus d'orchestration, parce qu'elle D'accord. a une voix vraiment particulière. Donc voilà, c'est une artiste à découvrir, hein, pour ceux qui la connaissent pas encore. Tout à fait, ouais. Il y en a eu d'autres. Il y en a un qui est là ce soir dans les studios aussi, hein, qui est passé aussi chez vous. Qui s'appelle Alex Lebail. Il est discret, il est venu participer aussi à l'émission. Alex Lebail qui a un beau projet aussi, un vrai talent d'écriture de ses chansons avec des choses qui veulent des textes qui veulent dire des choses. Donc c'est vrai qu'on... On lui donnera la parole tout à l'heure. Là, il est du mauvais côté de la vitre, hein. Il est de mon côté du studio, mais on le laissera parler un peu et puis à la limite écouter un petit morceau aussi de ce qu'il fait. Il se passe plein de choses, hein. Il y a plein de bons groupes et de bons artistes en région orléanaise en tout cas. Il y en a d'autres que vous avez envie de citer, des gens que je connaîtrais ou que je connaîtrais pas, peut-être. Il y a un groupe qui est venu il y a pas longtemps, oui, qu'on a bien aimé. On passait par là un dimanche soir à la fin de leur mix. C'est un groupe, je crois qu'ils sont de Bourges, hein, Benoît. Delannay. Delannay, voilà. Ils sont déjà venus aussi ici dans les studios. Exactement. Bon groupe de rock, belle énergie, bonne chanson. Texte en français, c'est vraiment bien. Ils étaient au studio l'autre jour. Très bien, les Delannay, ouais. J'ai eu le plaisir d'écouter leurs chansons. Bah, dès qu'ils auront leur album, il faudra qu'ils viennent aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous le présenter. Ils avaient gagné aussi le tremplin de Balade en Musique il y a quelques années. Moi, j'étais avec eux, on les avait interviewés justement sur place à Balade en Musique. Alors aujourd'hui, Balade en Musique n'existe plus. C'est le Festival de la Chapelle Saint-Mémin qui s'appelle maintenant le son au fil de l'eau. Voilà, ça a changé. Mais bon, et il n'y a plus de tremplin, malheureusement. Donc, c'est des artistes confirmés qui passent. Mais c'est dommage, parce que ce côté tremplin, où il y avait des artistes émergents qui pouvaient participer, je trouve que c'était bien. Donc, voilà. Le groupe Delannay, donc un groupe qui est passé aussi chez vous. Tout à fait. Un groupe à retenir. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez envie de dire dans l'émission Mavrika, parce que vous êtes à l'antenne? Si vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs, allez-y, hein, vous gênez pas. Non, bah écoutez, on vous attend tous en live avec la Jarry sur les routes de France. On a fait quelques concerts en région centre cette année, on va en faire d'autres. On était au Printemps de Bourges, mais on en a fait plein d'autres aussi dans différentes villes. Où est-ce qu'on a joué cet été? On a joué à Vierzon, on a joué à Chinon dans le 37, dans la région centre. À Châteaudun aussi. Tout à fait. Voilà, Châteauroux. Ouais, Châteauroux. Enfin, on essaie de d'aller voir un peu tout le monde. Et après, quand vous partez, c'est carrément l'autre côté de l'Atlantique. Alors ça, vous y allez régulièrement. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits aussi que vous aimeriez explorer, hein, et voir un petit peu, par exemple, en Europe, le Portugal, la Pologne, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'aller en Allemagne, en Angleterre. Donc c'est vraiment génial pour nous, en fait, parce que ça nous a ouvert les yeux aussi sur le monde, sur la musique. Qui se fait ailleurs, sur les différentes cultures, sur les différentes traditions, et le fait de pouvoir aller jouer ta musique dans ces pays, c'est toujours un plaisir et enrichissant. Très bien. On revient à Orléans, rue de la République, parce que c'est un des titres de votre album. Alors, vous voulez en parler un petit peu de ce morceau-là? Parce que pour les Orléanais, la rue de la République, tout le monde connaît. Oui, et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on la joue en concert, cette chanson, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de villes qui avaient une rue de la République. Oui, en même temps, ça ne m'étonne pas. Et donc, ils nous disent tous, j'ai bien aimé la chanson, on reçoit des messages, merci pour la chanson sur la rue de notre ville, etc. Donc, mais c'est vrai que l'origine, la vraie rue de la République, c'est chez nous, à Orléans. Voilà. Et pourquoi cette rue-là et pas une autre? On a voulu parler de la République en général, à travers ce texte. La République qui parfois peut être aussi un peu menacée, en danger, avec différentes situations, différents extrêmes, gauche-droite, l'abus. On avait aussi envie d'exprimer ça à travers ce titre, le côté démocratique aussi qui est important pour nous. Très bien, donc on écoute tout de suite le morceau La rue de la République. Je marchais dans la rue de la République, quand j'ai vu l'horizon se dresser devant moi. Je marchais dans la rue de la République, quand j'ai eu le frisson et un cosson de ta voix. Je marchais dans la rue sans savoir où j'allais, quand soudain j'ai senti une décharge électrique. Je ne savais plus. J'ai vu l'horizon se dresser devant moi. Je marchais dans la rue de la République. Cette rue que j'aime tant, c'est ma vie, c'est chez moi. Où j'aime. De la République, donc superbe morceau, voilà, vous l'avez un petit peu commenté tout à l'heure. Y a plein de morceaux que j'ai envie de passer, alors on va essayer de... est-ce que ça vous va l'ordre dans lequel je les passe, hein? Oh, mais Tu es un tout nouveau nous c'est excellent tout... programmateur radio voilà. Parce que je regarde et puis je regarde les titres et puis tiens il y a celui-là, il y a celui-là aussi. Donc bon, j'essaie de les passer tous, mais bon, c'est vrai que j'essaie d'en passer certains plus que d'autres hein. Voilà, sur le moment, c'est ce que je choisis. Donc ça se fait au fur et à mesure. Alors tout à l'heure, on a parlé aussi d'Alex Le Bail. Alors il est là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc il est venu vous faire une petite surprise. On va lui donner un petit peu la parole. Salut Alex. Bonsoir Marika, bonsoir à tous les auditeurs et puis à la Jarry qui est là ce soir et qui nous font découvrir ce nouvel album qui est vraiment vraiment génial, mais comme tous les autres titres depuis le début, depuis 20 ans. Donc un plaisir et de les écouter et puis de venir faire un petit coucou ce soir. Voilà, t'étais venu dans l'émission il y a quelques temps, hein. On t'a découvert dans l'émission Mavrika, tu fais partie de Mavrika ce midi, et à ce moment-là, tu nous avais parlé aussi, voilà, je connais la Jarry, tu nous avais parlé en bien hein, du groupe. Non, je vais en parler fait, en mal, mais enfin, on va pas le dire à l'antenne. Non, c'est vrai qu'Alex, c'est une belle rencontre, c'est quelqu'un qui est venu dans notre studio, au départ, il est venu voir et puis on parlait beaucoup de chants, de la manière dont on peut placer la voix sur les chansons, etc. Et c'est vrai qu'on a pas mal échangé là-dessus avec Alex. C'est un très bon artiste que je conseille d'écouter, parce que c'est dans la voix de ce mec-là, il y a une histoire, il y a pas que le côté technique, il y a vraiment toute une vie, toute une histoire de des émotions, et moi c'est ce qui m'intéresse dans les voix des artistes, des chanteurs, c'est vraiment le message, l'émotion, voilà. Très bien, donc ce qu'on peut annoncer dès maintenant, c'est que c'est avec Alex qu'on commencera l'année 2023, puisque tu seras notre invité de l'émission numéro je sais pas combien, on comptera d'ici là. À peu près. J'ai pas fait le calcul, c'est vrai. On aurait pu le faire, mais bon, c'est pas bien grave. Ça sera le 6 janvier, voilà. Donc le compte à rebours commence et on verra bien le décompte et on verra quel numéro d'émission on aura à ce moment-là. Voilà, donc Alex, en plus, quand tu as su que la Jarry passait ce soir, tu m'as dit je viendrai faire un petit coucou. Oui, bien évidemment, parce que Benoît, c'est un petit peu... moi, je connais plus Benoît que David, même si je suis le groupe entier à distance et que de temps en temps, j'essaye de venir. Mais Benoît, je dirais que c'est un petit peu mon guide spirituel et aussi une des premières personnes qui au-delà de cette rencontre, a su me faire confiance et m'a apporté des conseils, mais vraiment sur comment me professionnaliser et comment aborder ce vrai métier. Parce que pour beaucoup, c'est une... Certes, une passion, ok, mais quand on demande, mais sinon, ton métier, c'est quoi? Bah, voilà, c'est pas évident de s'en sortir, et encore moins quand on est tout seul, et d'avoir la chance d'un groupe aussi qui a autant de vécu depuis 20 ans maintenant, et ben, c'est des conseils qui sont inimaginables, et voilà, je le remercie pour ça. Non, mais c'est vrai qu'on est. Bon, enfin, le groupe, hein, David, moi-même, Alex, Arnaud, on est souvent sollicité, approché pour donner quelques conseils sur la manière dont faire des concerts, trouver des concerts, les maisons de disques, la manière de placer le côté artistique en avant. Enfin voilà. Et c'est vrai que dès qu'on peut le faire, on peut pas le faire tout le temps. Mais quand on a des vrais coups de cœur comme Alex, c'est un grand plaisir. Bah en tout cas c'est super, parce que grâce à vous des artistes de la région peuvent enregistrer des morceaux. Et ce que je propose, c'est qu'on écoute justement un morceau qui est enregistré chez vous. Donc c'est un morceau non, il n'a pas été enregistré chez vous. Non, il était enregistré pas très loin, mais il était d'accord, enregistré à Marmelade Production. J'avais cru comprendre. Donc c'est Marmelade Production. Oui, bah voilà, ça me revient. Donc c'est notre ami Dej. Voilà. C'est ça. Dej qui a enregistré. Donc effectivement, maintenant que tu me le dis, ça me revient tout de suite. Je vois l'image, mais pendant un moment, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était avec Benoît, mais non. Mais Benoît, pourquoi pas, avec grand plaisir sur un prochain album. Voilà. Donc on fait un petit coucou à notre ami Dej. Du groupe Last Avenue. Faut qu'il écrive des nouvelles chansons. Très bien. Bah, ça se trouve, j'ai dit un truc et ça se trouve, ça va faire cheminer un petit peu l'idée. Et puis, peut-être, tu enregistreras après dans d'autres studios. Hein, je sais pas. Après, à moins que tu sois content aussi de Dej. Oui, bien sûr. Là, on a travaillé sur le prochain album. On a changé de studio parce qu'on a pris un autre studio à Saint-Jean-de-Blanc qui s'appelle Nimia. Mais voilà, mais sur le troisième album, l'idée est lancée, pourquoi pas, avec plaisir d'être accompagné par le studio Mea Culpa. Très bien, donc le morceau s'appelle comment ? Alors ce morceau s'appelle Le Tourment, c'est le morceau qui est le plus rock du premier EP qui est sorti et qui du coup il restera un petit peu dans le thème de la soirée. Très bien, on écoute Le Tourment, Alex Le Bail. Matin, comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme à clé mes sentiments, amour imparfait. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche des réponses. Cette semaine, comme toutes les semaines, tu repars quelqu'un, j'entends les sirènes, un seul mot d'ordre, une seule vérité, ce que je trouverais pas ça, ma réalité. La musique et puis finalement on se laisse un petit peu on se laisse un petit peu aller en écoutant de la bonne musique. Le Tourment, donc Alex Le Bail qui est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il est venu dans l'émission de La Jarry qui nous présente leur nouvel album Super Époque, un album qu'on découvre au fur et à mesure dans le désordre parce que c'est moi qui choisis les morceaux et là j'en ai calé encore un autre qui me plaît beaucoup et ils me plaisent tous beaucoup. C'est vrai que franchement c'est un très bon album. Et puis on peut l'écouter entièrement et puis il aura écouté avec beaucoup de plaisir et petit à petit les paroles nous rentrent dans la tête et puis je pense que vous le travaillez ça aussi le fait que les paroles soient faciles à retenir et que les gens puissent reprendre avec vous lors des concerts les phrases des couplets et des refrains surtout. Ouais, bah c'est la fête en live, on essaye de faire en sorte que quand tu es en concert pendant une heure et demie, deux heures et demie, t'essayes de faire en sorte que ce soit un moment où les gens oublient ce qui se passe à l'extérieur. Tu viens en concert pour te relaxer, faire la fête, oublier les soucis, tu penses pas ce qu'il y a dehors, et donc du coup, bah voilà, si on peut chanter tous ensemble. Mmh. Bah c'est top, voilà. Voilà, c'est participer, on participe tous. Ouais, puis c'est vrai que c'est ce côté, pendant une heure et demie ou deux heures, on met tout entre parenthèses, vraiment, on est tous ensemble, on fait un concert, il y a une vraie fête dans la salle. Enfin voilà, j'aime bien dire qu'un concert de La Jarry est réussi quand le mec qui est arrivé... il a oublié tous ses soucis et qu'il les retrouve deux heures après. Voilà. C'est marrant parce que on oublie nos soucis. Pourtant, vous parlez de sujets graves dans certaines chansons. Même si vous rentrez pas dans les détails, y a quand même beaucoup de choses qui font réagir. Ouais, mais tu sais, on vit tous sur la même planète. Enfin, il y a peut-être d'autres planètes. En tout cas, on est sur la même et on voit tous les mêmes choses. Hein. Donc, on on a chacun nos soucis et bah faut essayer parfois de s'amuser quand même. Ouais. Et puis justement, on a fait une belle transition pour la chanson que j'ai calée juste après. C'est la chanson que j'ai dans la tête actuellement, hein. Franchement, c'est celle qui me revient facilement. C'est le paradis sur terre. Donc moi j'aime bien déjà ces côtés un petit peu utopiques, hein, parce que bon, on rêve tous d'un paradis sur la terre, hein. Malheureusement, on n'a pas encore réussi après des milliers d'années de civilisation à le construire, ce paradis. On a même l'impression que des fois on a atteint des sommets et que après ça se dégrade un petit peu. Je sais pas si c'est votre impression ou pas. Peut-être chose qu'on peut reporter au titre de l'évolution, en disant voilà, on a évolué, mais quelque part il y a des choses, c'est pas forcément oui, dans c'est vrai sens. Que parfois on a l'impression de revenir en arrière, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc on écoute ce morceau, Le Paradis sur Terre. Allons-y. Écoutez bien les paroles, et moi je trouve qu'elles sont super super belles, et en plus c'est pareil, c'est encore un refrain qu'on a envie de reprendre en chœur. On écoute tout de suite La Jarrie, Le Paradis sur Terre. Je prends l'avion, ça sent le kérosène, mais j'aime ma planète. Je vois les arbres brûler, les koalas crever, mais j'aime ma planète. Encore une fois, aux paroles de la chanson, on n'a pas le choix, parce que entre les deux, je crois que tout le monde aurait choisi le paradis. Malheureusement, voilà, c'est toujours le choix que des fois on nous impose. Et cette fois-ci, c'est vrai que quand on parle de la guerre, il y a beaucoup de choses qui ont un trait à l'actualité. Bon, après le paradis, le plus tard possible, quand même. Oui, après, dans ce sens-là, ouais. Mais si on a été gentil sur Terre, hein, bien sûr. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui, à mon avis, ils n'iront jamais. Hein. Voilà. Donc, moi j'aime bien cette chanson là parce que c'est une chanson pleine d'espoir en plus. Donc voilà, on est tous d'accord pour dire voilà, on aimerait que le monde soit plus beau et tout ça, mais il faut aussi qu'on le construise. C'est nous finalement qui sommes les premiers acteurs, les premières personnes à pouvoir le faire. Et malheureusement, il faudrait que tout le monde soit vraiment d'accord pour que ça aille dans ce sens là quoi. Ouais, c'est pas tout le temps la faute de l'autre, tu vois. C'est pas tout le temps la faute de l'autre. C'est pour ça que je disais que ça, on revient un petit peu, on n'a pas le choix. Il y a des choses qu'en vérité, on peut influencer le changement. Parce qu'il y a des choses où on ne choisit pas. Mais il y a certaines choses aussi, en disant, au bout d'un moment, on dit, on n'est pas d'accord. On peut aussi le dire et peut-être se révolter aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié ce côté-là en disant, voilà, c'est faut peut-être écouter aussi les gens, tout simplement. Hein. C'est important, c'est en tout cas nous dans les textes de la Jarry, c'est vrai que c'est toujours très important de faire écouter ses chansons et puis d'avoir des impressions, des commentaires, puis en discutant aussi beaucoup avec les personnes qui viennent nous voir après les concerts sur le stand de merch ou les messages qu'on reçoit. C'est ça, on a beaucoup de personnes qui peuvent nous dire bah moi en ce moment il m'arrive ça et puis ça c'est génial, je suis heureuse aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé ça, et puis notre personne va venir en disant je suis dans la galère parce que voilà ce qui m'arrive et puis c'est à cause de ça. Donc c'est effectivement tous ces témoignages en direct ça nous aide beaucoup, ça nous nourrit beaucoup pour écrire des paroles forcément. Très bien. Voilà. Et en plus, moi, je sais que bon, j'ai assisté à beaucoup de vos concerts, et c'est quelque chose que vous aimez bien à la fin des concerts, aller dans le stand justement où il y a les CD, les t-shirts et tout ça, et puis discuter avec les gens. Je vois les gens qui vous en connaissez beaucoup, qui viennent, surtout quand c'est sur Orléans, hein, forcément, tous les gens que vous connaissez sont là. Ils ont envie de discuter un petit peu avec vous. Il y a aussi des gens que vous connaissez pas, qui ont découvert le groupe, ou alors qui se sont retrouvés là par hasard. Ils disent, tiens, un groupe qui fait un concert, on va aller voir la Jarry, et finalement, qui ont apprécié, donc ils viennent vous voir aussi pour ça, acheter le CD. Et vous aimez bien aussi, le contact avec les personnes, justement. Parce que vous restez longtemps. Je vois certains concerts où les gens ils vendent 2-3 CD et puis disparaissent tout de suite. Vous non, vous prenez le temps de discuter avec les personnes. Et d'ailleurs moi des fois je veux discuter avec vous, j'attends parce qu'il y a pas mal de personnes devant moi quoi. Voilà. Non mais on fait du rock'n'roll. Hein. On vient du terrain. On a un mot qu'on adore dans la Jarry, c'est le mot simple, tu vois. Donc on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes et. Et ouais, c'est vrai qu'on pourquoi faire les choses compliquées quand on peut discuter, faisons-le quoi. Et on prêche une musique aussi qui envoie des vertes et des pas mûres en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de prendre le temps d'expliquer le rock'n'roll, l'esprit du rock en général, à des personnes qui ne font pas forcément partie d'une génération qui est exposée aux médias rock. Et donc qui ont un manque certain de cette musique et quand ils viennent voir un concert de rock pour la première fois, disent « Ah, je connaissais pas, c'est incroyable, il y a de l'énergie, on saute en l'air, que se passe-t-il, on est comme des fous. » Et donc on dit « Bah c'est le rock'n'roll, il y a plein d'excellents groupes qui font ça, va sur Spotify, là t'es branché, mais plein de trucs, tu vas voir, il y a des super trucs à écouter dans cette musique. Qu'on défend au quotidien, voilà. Donc vous, le rock and roll, c'est votre vie, hein. C'est vraiment la musique que vous aimez. Et c'est vrai que les nouvelles générations peut-être ne connaissent pas aussi bien que les personnes. Je suis né là-dedans dans le rock and roll, donc donc des fois il y a aussi le côté culturel. Il faut expliquer les choses aux gens. C'est-à-dire que le rock'n'roll, il y a une histoire. Et les gens qui n'ont pas suivi un petit peu... parce que vous avez aussi eu des personnes qui vous ont inspiré, des grands artistes. D'ailleurs, on pourra peut-être en citer quelques-uns. Et c'est bien aussi de leur dire, écoutez aussi tel artiste, c'est lui qui m'a donné envie de jouer. Oui, et puis qui a inventé ça. Qui a un vrai manque... nous, on a la chance, comme on disait tout à l'heure, avec Benoît, de faire notre musique un peu à l'étranger. Et c'est vrai que on ressent pas ce manque de rock quand tu vas en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, où les générations jeunes aussi de 20 ans vont être fans de Green Day, vont être fans de groupes comme ça qui ne passent plus chez nous médias ici. Donc du coup, on a l'impression que le rock est une musique d'avant et finalement c'est juste non une musique en retard ici finalement parce que quand tu sors de nos frontières le rock a le vent en poupe aussi ailleurs et voilà c'est aussi pour ça qu'on se bat pour crier ce message aussi. Ouais, c'est peut-être un phénomène français justement de dire voilà dans les émissions de radio de télévision le rock and roll aujourd'hui n'est pas tellement diffusé ou alors vraiment il y a certaines chaînes où on parle un petit peu des anciens artistes donc ça permet aux gens de connaître un petit peu mais le rock and roll c'est une musique qui est toujours vivante. Donc faut continuer à la faire vivre. Alors pourquoi on la diffuse pas? Je sais qu'à une certaine époque même dans les années 80 on passait dans les radios libres, il y avait aussi bien du rock que du funk, que toutes les musiques qui pouvaient y avoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le rock a été un peu mis de côté. Et c'est pas une impression que vous avez, vous ? Ça, c'est un grand débat. C'est l'éternel débat, parce que d'un côté, ce que tu dis, c'est vrai. On voit pas beaucoup de nouveaux groupes en télé, par exemple. Mmh. Nous, toute l'année, on croise nos copains de différents groupes de rock. Je peux t'en citer... entre Matmata, EFL, Fatal Picard, No One Is Innocent, etc. On est tous un peu sur le même circuit, c'est-à-dire on fait beaucoup de concerts et les salles sont pleines quand même si, tu vois, il n'y a pas la médiatisation populaire, grand public. Mais pourtant, voilà, t'as quand même des gens qui suivent les groupes. Donc c'est un peu le paradoxe. D'un côté, t'as l'impression qu'il se passe rien pour le groupe parce que tu passes pas à la télé. Et d'un autre côté, bah, finalement, il se passe plein de choses et les salles sont pleines. Voilà, c'est le côté alternatif. Côté alternatif, le côté terrain et le côté, quelqu'un qui me disait l'autre jour, on a fait un concert avec Manu Lanvin. Ouais. Qui est un artiste. De voir aussi, ouais. Voilà, qui est un pote, Manu. Et on discutait de ça justement, on avait un débat après, on a partagé la même scène, un concert, et on a passé la soirée ensemble à discuter après. Et y avait son père qui disait, bah tu vois, le problème c'est que des artistes, peut-être que le public qui vous suit dans les salles, votre vrai public de fidèles, bah le jour où vous serez trop à la télé, bah finalement ils diront ouais c'est moins bien, voilà. Donc c'est toujours l'éternel débat entre le côté alternatif et le côté un peu grand public. Après il y a aussi le côté underground, c'est-à-dire que le rock and roll c'est quand même quelque chose un côté rebelle un petit peu aussi. Donc le fait que ça ne passe pas dans les radios, c'est peut-être une marque de fabrique. C'est ça. Et le fait que ça devienne ça passe trop à la radio justement, après ou trop à la télé. Après forcément on leur demande de modifier un petit peu pour que ça passe mieux à la télé. Et donc le côté rebelle est un peu perdu. Et finalement, c'est les groupes qui sont bourgeoises et qui font plus tout à fait la même chose qu'ils avaient fait au départ. C'est la grande histoire du rock and roll. Voilà. Après maintenant, il y a toujours des. Je pense que quand tu fais ta musique avec ton message et que tu es toujours passionné par ce que tu fais, tu peux le faire partout et devant tout le monde. Voilà. Très bien. On revient à une chanson aussi que j'avais découvert la première fois en acoustique. Vous l'aviez interprétée en acoustique. C'était une chanson où vous exprimiez que le manque. Donc ça me manque. C'est le titre de cette chanson-là. Alors ça, c'est suite au Covid, non? Ou oui, le texte est né lors du premier confinement, forcément, parce que on s'en dit compte que les choses toutes bêtes de la vie de tous les jours, on peut pas les faire. Tu vois, balancer son réveil parce qu'on se lève à 5 heures du mat. On avait envie de le faire, mais finalement, on avait le temps de rester dormir. Là. Voilà, c'était ça. Donc du coup, y a plein d'exemples aussi comme ça. Sortir, aller faire un match de foot avec les potes. Et on se dit, bah voilà, le texte est arrivé tout seul et on a mis la chanson sur le disque parce qu'on avait envie de le faire pour se remémorer, pour graver. Ce moment qui a vraiment été particulier pour tous et qu'on espère ne jamais reconnaître parce que c'était vraiment pas très agréable. Voilà. On écoute tout de suite le morceau « Ça me manque ». Ça me manque. Ça me manque, donc un morceau qui nous parle un petit peu de tous les manques qu'il y a pu y avoir justement pendant l'année du Covid, hein, le Covid-19, on est en 2022, donc il a quand même duré pas mal de temps. Heureusement, aujourd'hui ça repart et puis on espère aussi que ça va revenir comme c'était avant. Est-ce que vous sentez que c'est déjà comme c'était avant ou est-ce qu'il y a encore quelques pas à faire? Encore un peu timide, je dirais. Encore un peu timide. Encore un petit peu, ouais. Ouais, on est surtout nous dans nos métiers d'artistes où on est quand même beaucoup soumis aux restrictions sanitaires. On sent encore qu'il y a un truc qui peut basculer du mauvais côté avec les salles de concert, les fermetures, etc. C'est vrai que justement il y a eu beaucoup d'annulations, il y a eu beaucoup de concerts qui étaient prévus, hein. Tout le travail était fait, il y avait juste à les faire et puis là ça a dû être annulé. Il y a eu aussi beaucoup de groupes qui ont arrêté, hein, finalement, plein de choses comme ça qui se sont arrêtées, plein d'associations aussi, des associations qui faisaient ça et qui ont dû s'arrêter complètement. Certaines ont même complètement disparu. Bah, il y a eu un gros problème de subvention pour les assos, forcément, puisque les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux qui allouaient des subs à des assos pour organiser des festivals ont préféré donner cet argent pour la crise sanitaire, pour essayer de... Aujourd'hui, ce n'est plus la crise sanitaire, mais c'est l'énergie dans les mairies avec l'électricité et les gaz. Donc les pauvres organisateurs de festivals, en ce moment, ont beaucoup de mal. Mais il y a des bons et on les soutient à fond, parce que c'est grâce à eux que tous les groupes peuvent jouer et continuer à se développer. Donc voilà, c'est vraiment les associations qui sont vraiment au cœur de cette substantifique moelle là, qui est le côté festival, le côté musique. Il faut continuer à soutenir en tout cas. Très bien, donc voilà, c'est bien de parler d'associations, c'est bien aussi de parler du manque qu'il y a pu y avoir, donc d'où le titre de la chanson qu'on vient d'écouter à l'instant. Et justement, le groupe La Jarrie est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors vous avez amené aussi vos instruments. Oui, on est venu accompagner. Parce que là, je vois le temps passe très vite. Hein. C'est vrai que il y a des émissions comme ça qui paraissent des fois un peu longues. Des fois, je suis tout seul ici, donc des fois, je mets de la musique, je vais même boire un petit café, je reviens. Bon, je passe en automatique et tout ça. J'annonce quand même les titres. Et d'autres fois, les 3 heures elles passent à une vitesse pas possible. Et on arrive à la dernière heure, donc les 3 derniers quarts d'heure de cette émission. ce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore ne pas oublier, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire dans l'émission, mais je sais qu'il y aura des morceaux en live. Et il y a aussi d'autres morceaux encore à découvrir de cet album Super Époque. Alors je voulais aussi vous faire des petits compliments que j'ai entendus autour de moi. Alors on m'a dit par exemple que le rock'n'roll conservait, parce que on disait voilà, ben ils sont, on dirait deux petits jeunes donc qui sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On m'a dit aussi que toi Benoît, tu avais une voix très sexy, hein. Je te l'ai dit tout à l'heure hors antenne, et que vous êtes très photogénique. Voilà les trucs que j'entends autour de moi. En tout cas, je sais que bon, beaucoup de gens vous apprécient beaucoup, non seulement en tant qu'artiste mais en tant que personne, et c'est mon cas aussi, hein, dans l'émission Mavrika. Voilà, vous avez quelque chose à répondre à ça? Oh non, on prend. Vous prenez. C'est cool. C'est du bonheur. Oui, et puis on n'est pas là pour, on n'est pas là pour se faire la misère, on n'est pas là pour se faire la guerre. Nous, on est, c'est très très simple, et on vive la vie en fait. Voilà, on va de l'avant, et puis on emmène un max de bonne ambiance et de bonne humeur avec nous quand on peut. Voilà. Très bien. Et en plus, vous habitez en France. Vous savez où je veux en venir. Exactement. Donc c'est un morceau, j'habite en France. Dans le pays des droits de l'homme. Ouais, dans le pré. Voilà, c'est un petit peu ironique peut-être, non? Ou... Non, c'est un... Non, je pense qu'en France, on est quand même bien par rapport à d'autres pays. Bah, mais bon, il y a encore des choses à construire. Hein. On a une chanson, en fait, j'imagine que tu parles de ça sur le dernier album, là, qui s'appelle ouais. J'habite en France, qui est un peu la carte postale de notre société actuelle, enfin en tout cas comme on l'a ressenti ces derniers mois. Donc on a décidé de faire une chanson là-dessus. Très bien, on écoute donc J'habite en France, le groupe La Jarrie. J'habite en France, on habite tous en France, mais on peut aussi nous écouter partout dans le monde sur radio-arc-en-ciel.fr et sur Orléans, c'est toujours le 96.2 depuis des années déjà, hein, puisque c'est une des plus anciennes fréquences de la région orléanaise. En tout cas, ce soir, on fait l'émission numéro 528. Hein, j'espère que ce chiffre vous portera bonheur pour cette année, hein, du moins, parce que vous allez revenir régulièrement. Vous êtes déjà venu combien de fois? 3, 4 fois? Je crois que c'est la troisième, hein, il me semble. 3, 4e. Ah, je dirais 4e, moi. Je dirais 4e. Toujours un vrai plaisir. On peut le rechercher, parce que de toute façon, je garde tout, donc. Tu as les traces. Ouais, j'ai les traces, voilà. Donc, il y a des morceaux, que vous aviez enregistrés ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et puis ce soir, on a d'autres que vous allez interpréter, qui seront enregistrés aussi, hein, et qu'on pourra rediffuser dans les prochaines émissions. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est des versions live Mavrica, parce que souvent, vous faites des petits clins d'œil, et ça fait toujours plaisir de dire, voilà. On est fiers de défendre ces gens-là, et ces gens-là, en plus, ils nous le rendent bien, ils nous remercient en nous faisant des petits clins d'œil. Ça fait vraiment plaisir de justement un groupe comme vous que j'apprécie autant. Voilà. Je vais vous laisser vous préparer si vous avez envie d'interpréter un morceau juste après. Et pendant ce temps-là, on va écouter peut-être encore un morceau de l'album. Avec plaisir. On a presque bouclé, hein. Il en reste encore quelques-uns, mais je pense qu'on n'est pas trop mal là déjà pour l'instant. Je regarde, il y a celui-là aussi. Mais bon, celui que j'ai calé pour l'instant, bah justement, c'est celui qui est juste après. C'est Je ne danse pas avec les stars. Donc ça rappelle un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la télévision et tout ça, et puis d'autres qui font pas vraiment partie de ce truc-là. Et puis je pense qu'à la télé aussi, ils aiment bien se servir aussi des gens qui sont la notoriété de certaines personnes pour les tourner peut-être un petit peu en ridicule en leur faisant faire autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je sais pas. c'est comme ça que la question que je me suis posée, donc je vous la pose aussi ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est un clin d'œil à l'émission et un peu à la télé-réalité en général, c'est-à-dire que nous on fait notre truc, on fait notre musique, et puis on regarde ces artistes un petit peu éphémères qui déboulent de temps en temps. Alors il y a différentes démarches, hein. Il y a ceux qui essayent de se faire voir et qui sont des vrais artistes qui n'ont pas d'exposition, et du coup le fait de passer dans ces émissions, ça devient une fenêtre sur eux. Donc ça, c'est une première démarche. Et puis aussi il y a l'autre démarche où pour faire de l'audience, c'est le mec qui a le plus beau nez rouge et la plus belle plume qui est exploité par la télé, et qui à l'arrivée, ça déboule pas sur grand chose, et c'est pas service lui rendre non plus à l'artiste, voilà. Donc ouais. C'est ce côté-là de Je ne danse pas avec les stars, mais c'est surtout le côté fun, on s'en amuse plus qu'autre chose. D'ailleurs, à la fin, tu dis, j'aurais peut-être dû accepter, justement. Exactement. Parfois, je me dis que j'aurais peut-être dû, je serais beaucoup plus connu. mais par contre, bon, danser, c'est peut-être pas ce que tu fais vraiment sur scène, mais Benoît, toi, tu bouges, je me souviens d'avoir vu plusieurs fois traverser la scène d'un endroit à l'autre. Quelle énergie! On avait dit tout à l'heure, le rock'n'roll conserve, hein, donc, c'est bien vrai alors. Oui, c'est une musique, si on le fait pas en faisant du rock, j'ai toujours été très impressionné, moi, par les gros, enfin les mecs qui tiennent bien les scènes, à la Springsteen par exemple. Ouais. Quelqu'un comme Springsteen le fait très bien, enfin il y en a plein. Et c'est toujours le côté énergie qui me plaît dans la musique sur scène. C'est vrai que sur scène, on va avoir des musiciens, des chanteurs, mais il y a aussi toute une mise en scène qui est là. Je sais pas si vous le travaillez beaucoup, ou est-ce que c'est quelque chose de spontané, mais il y a certaines personnes qui travaillent, parce que bon, voir des musiciens statiques en train de faire de la bonne musique, au bout d'un moment, c'est un petit peu embêtant aussi. On va au concert, c'est pour voir tout le monde bouger, quoi. Donc, et en plus, il y a aussi cette manière de bouger soi-même et de faire bouger les autres, et ça, je crois que vous y arrivez bien dans le groupe La Jarry. C'est pas simplement vous qui voulez bouger, vous voulez faire bouger aussi tout le public. C'est vraiment une participation sur laquelle vous comptez. Oui, et puis c'est aussi tous ces concerts qu'on a donnés qui font que on a nos repères. On a nos repères, on a appris aussi à faire de la scène. Tu fais pas de la scène comme ça au départ, c'est compliqué de faire un concert et de tenir les gens pendant 2 heures à fond. Enfin voilà, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps, et en tout cas on adore faire ça. Très bien, donc on écoute le morceau Je ne danse pas avec les stars. Je chante tous les soirs dans les bars. Je passe ma vie avec ma guitare. Un producteur m'a repéré, veut me faire passer à la télé. Je lui dis non, mais c'est quoi cette histoire? Moi je ne danse pas avec les stars. J'aime pas danser, faut m'oublier, faut même pas y penser. Je ne danse pas avec les stars, ça me fout le cafard. Et je me suis assis au comptoir. Donc j'aime pas danser. Mais là il va y avoir par contre autre chose dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que de toute façon on fait une radio, on fait une émission de radio, donc même si on danse, les gens s'en rendent pas compte. Par contre, s'il y a des interprétations qui sont faites dans nos studios, et bah, forcément les auditeurs pourront les écouter. Donc justement c'est peut-être l'heure du live, hein. Non? Ça peut. Alors je vois que David a sa guitare. Donc il va se passer quelque chose dans l'émission Marika. Ça c'est vraiment on doit être les derniers au monde à faire ça encore en live, sans filet, sans rien du tout, comme on faisait dans les années 50, hein, c'est-à-dire qu'on se mettait tous autour d'un micro et on faisait des émissions de radio comme ça. Et nous, dans l'émission Marika sur Radio Arc-en-Ciel, c'est vrai qu'on pourrait faire comme les autres radios, c'est-à-dire vous faire jouer et puis diffuser après. Mais là, c'est le côté vraiment sans filet, le côté j'aime bien le mot simplicité, comme vous dites. Et moi, je suis toujours resté dans la simplicité et dans l'authentique, le vrai. Donc, et en plus, je sais que avec vous, c'est toujours un succès, c'est toujours super bien. D'ailleurs, je voulais tirer mon chapeau aussi avec le groupe de la semaine dernière qui a interprété 14 morceaux, hein, dans l'émission Mavrika. 14 morceaux, le groupe Swing Camille. Franchement, c'était que du bonheur. Et il y en a une qui m'ont demandé de pas diffuser parce qu'il y a eu une fausse note à un moment. Mais personne n'a rien entendu. Mais en attendant, donc ce soir, là j'arrive dans les studios de l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Et vous allez interpréter quoi comme morceau? Écoute, on va te jouer un titre du dernier album qui s'appelle Un rêve électronique. Ah, je l'avais gardé pour la fin parce que c'est une de mes préférées en plus. Quand vous voulez. Je tombe. J'ai froid dans le dos quand je m'habille. Je reste anonyme. sens quelque chose de magique, un peu comme un champ magnétique qui se rapproche de moi, un rêve électronique. J'ai fait un rêve électronique. Oui, j'ai fait un rêve électronique. Et la nuit, je renais encore. Et je cache tous mes remords. Tout bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, David et Benoît du groupe La Jarry qui nous ont interprété une chanson, une de celles que je préfère de l'album. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle je préfère, elles sont toutes bien. Donc l'album s'appelle Super Époque et on vient d'écouter Un rêve électronique, un super morceau. Si on a le temps, on le repassera tout à l'heure en version studio. Sinon, de toute façon, il y en a encore plusieurs à passer. Mais priorité au live, parce que si vous êtes lancé, si vous avez envie d'interpréter d'autres morceaux, ne vous gênez pas, c'est pour notre plus grand plaisir. Et pour le bonheur de tous les auditeurs. Sauver la planète, on n'a pas le choix. Être un découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop cher, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt pour aller au boulot, on n'a pas le choix. Se dire que tout va bien. En déconfiture, on n'a pas le choix. Protéger les anciens, on n'a pas le choix. Fumer dès le matin, ça on a le choix. On doit tout céder, à défaut de s'aimer. Se dire que tout va bien, ou que ça ira mieux demain, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. pas le choix. Sauver la planète, on n'a pas le choix. Être à découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop chère, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, on n'a pas le choix. Bravo, super. En direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Lajari, Benoît et David sont ici dans les studios. Et c'est vrai que Benoît, tu as une voix sexy. Et quelle puissance aussi, parce que là, quand on est dans les studios, on se rend vraiment compte que c'est un vrai chanteur. Et puis après, David, qui est aussi l'accompagnateur, qui est notre guitare héros de ce soir, en tout cas. C'est vrai que moi j'ai pris quelques photos à des concerts. C'est vrai que il y a certaines photos où il est... Moi, j'aime bien prendre David parce que il est là avec sa guitare et puis il est vraiment dans ce qu'il fait Il joue pieds nus. Il joue pieds nus. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est des fois quand je vais au concert, je vais accompagner d'autres personnes et je leur explique. Je dis regarde, tu vois, il joue pieds nus et tout ça. C'est quelque chose. Ça fait partie. Et puis il a souvent son bandeau aussi sur ses cheveux longs. Donc j'ai des photos qui sont super belles en tout cas. Merci en tout cas d'être là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous interpréter des morceaux en live. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus on découvre ce super album. Alors ça s'appelle Super Époque et il est sur toutes les plateformes et vous pouvez l'acheter n'importe où, hein, vous pouvez le commander. Donc le mieux c'est peut-être d'attendre le 1er avril pour l'acheter lors du concert justement à l'Alliage, donc à Olivet. Il y aura donc le concert de Lajari et ça sera l'occasion aussi de le faire dédicacer peut-être. Oui, avec plaisir. Ça sera voilà. Un bon moment en tout cas. Ouais, j'avais baissé les micros parce que quand tu chantes, tu as beaucoup plus de patates que quand tu parles, effectivement. Encore un morceau en live? Allez, on en fait un petit dernier. Allez, un petit dernier, allez, hop, vraiment pour notre plus grand plaisir. Le micro en forme. Ah. Ben, on improvise, là, tu veux faire un truc spécial ou... Comme vous voulez, hein. Écoute, tiens, on va faire une version de danse avec les stars acoustiques. C'est une bonne idée, ça. Je chante tous les soirs dans les bars. Je passe ma vie avec ma guitare. Un producteur m'a repéré, veut me faire passer. Je lui dis non mais c'est quoi cette histoire? Moi je ne danse pas avec les stars. J'ai pas dansé, j'ai pas dansé. Faut m'oublier, faut même pas y penser. Je ne danse pas avec les stars. Ça me fout le cafard. Et je me suis assis au comptoir, tout seul, tranquille, en train de boire. Une journaliste un peu connue m'a directement sauté dessus. Je lui dis non mais allez, vas-y, va te faire voir. Moi je ne danse pas avec les stars. Non, j'ai pas dansé, j'ai pas dansé. Bravo. Le groupe La Jarrie en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Franchement, ça, c'est des moments de bonheur, ça. On est tous là en train de se regarder parce que franchement, on vit quelque chose d'exceptionnel et on est vraiment content dans l'émission Mavrica de recevoir régulièrement David et Benoît du groupe La Jarrie. Et à chaque fois, ils nous font des petites perles comme ça en direct live. Ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, bah, l'album, il est sorti depuis le mois de mai. Donc, précipitez-vous dessus. Il nous reste encore quelques morceaux à écouter d'ici la fin de l'émission. Et justement, il y a aussi une petite question tout à l'heure que je voulais vous poser. C'est l'album, il existe en CD, mais est-ce qu'il existe en vinyle? Oui, il y a des pressages vinyles qui sont juste là pendant les concerts. Donc il y a voilà, il y a CD. En fait, l'idée maintenant, tu sais, avec les plateformes Spotify, Deezer et toutes les autres, c'est de les gens viennent souvent au concert à la fin acheter des t-shirts, mais pour repartir avec la musique, parce que c'est important de continuer à vendre des disques. Ben, ils aiment bien qu'on soit là pour dédicacer des trucs, donc ça peut être un CD, ça peut être un vinyle, ça peut être plein de choses différentes, un poster, un flyer, tu vois, ou voilà. Donc je pense que le vinyle, oui, c'est plus histoire d'avoir un objet de collection, je pense, ou en tout cas un souvenir, plutôt que de l'écouter à la maison avec son saphir. Ouais, c'est une écoute différente. Et puis c'est vrai qu'on prend plus le temps quand on a un vinyle. Moi, je sais que je suis comme ça. Je prends un CD, hop, je zappe vite fait, j'écoute les mêmes trucs. Le streaming, n'en parlons même pas quand on va sur Internet. Et puis aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, on peut stocker chez soi des millions et des milliers. Alors moi, j'ai calculé chez moi, ça fait des années déjà, hein, avec les premiers disques durs que j'avais. Si j'écoutais tous les morceaux les uns à la suite des autres, j'ai passé du reste de ma vie pour entendre tout. Sachant que depuis, j'en ai accumulé encore beaucoup plus. Donc c'est vrai que je découvre plein de choses, je conserve beaucoup de choses, etc. Mais le vinyle, non, c'est quelque chose qu'on prend le temps. Déjà, on met... Je trouve que... je pense que tu seras d'accord avec nous. Je pense que le fait de plus avoir d'écouter un truc sur un stream... t'as pas le visuel du truc, tu sais pas d'où ça sort, ouais. Tu veux entendre un truc, t'as pas le au-delà de la tête des gens, on s'en fout, mais le côté univers, tu vois, quand t'as la pochette d'un album, ça t'ouvre ton imaginaire, tu dis voilà, c'est vrai que derrière cet album que se passe-t-il, et c'est beau, tu vois, tu sais pas trop, là t'entends des trucs, tu colles pas d'image dessus, tu vois, ouais, tout à fait, et je pense qu'à l'heure de la communication, et c'est vrai que paradoxalement l'image a pris une place très importante au sein de notre société, le paraître, le look, et quand tu entends un truc sur Spotify sans mettre d'image dessus, il y a un petit paradoxe à défendre, je pense, dessus. Et c'est pour ça que le vinyle ou le CD d'ailleurs, hein, la pochette en tout cas en elle-même reste capitale quand tu sors un disque. Et ça me rappelle un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Je me souviens, moi, à une époque où on découvrait les choses souvent à la radio. Alors, il y avait un truc, il me plaît bien ce morceau-là. Alors, où on avait de la chance, l'animateur nous donnait le nom, ou alors après, derrière, on n'avait pas tous ces petits logiciels qui nous permettent de reconnaître les titres et les chanteurs. Donc, finalement, des fois, on attendait de le réécouter à la radio, attendre que l'animateur nous dise qu'on ait au moins le titre ou alors le chanteur. Après, on allait chercher, ou est-ce qu'on allait chercher dans les magasins de disques? Est-ce qu'ils avaient le dernier vinyle? Pas forcément. Donc, c'était une galère. Et dès qu'on avait, des fois, on était obligé de commander justement des albums qu'on attendait depuis un moment, et on les avait 15 jours après. Qui n'arrivait jamais. Ouais, et on les avait 15 jours après, donc après on allait chercher, et puis on les mettait sur notre platine, et là c'était l'aboutissement de tout un travail pour pouvoir écouter ce morceau-là. Et là je peux vous dire qu'on dégustait le truc, on écoutait, on lisait tout ce qu'il y avait sur l'album. On savait qui était le producteur, en quelle année, quel mois c'était sorti, combien de temps il y a tout ce qu'il y avait sur la pochette, on le savait, on l'avait lu 10 fois en écoutant le vinyle. Et le vinyle, en plus, il fallait le retourner, donc il fallait jamais s'éloigner trop longtemps. Et sachant qu'il y avait aussi des platines, il y avait des platines aujourd'hui, il y a des platines manuelles, d'autres automatiques, donc il y en avait certaines qui revenaient, d'autres qui ne revenaient pas, donc le disque continuait à tourner pendant pas mal de temps si on n'allait pas l'arrêter. Il fallait retourner le vinyle, le remettre, donc c'était quelque chose de différent, il fallait le mériter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tellement la facilité d'avoir tous les morceaux, on écoute un truc à la radio, même si on ne sait pas ce que c'est, hop, on sort le téléphone, hop, c'était le titre, on le télécharge, on l'a déjà. Il est sorti aux États-Unis, là, on l'a déjà aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? On va l'écouter une fois, deux fois, et hop, c'est parti aux oubliettes. C'est un petit peu dommage, c'est de la surconsommation. Il y a tellement de bonnes choses, mais après, il faut sélectionner, il faut écouter plein de choses, mais... Je vais te raconter une anecdote à ce niveau-là, Albino, puisqu'on est entre nous, hein, c'est ça. Hein, ouais, et personne nous écoute. Moi, j'ai des potes qui étaient au début de RFM. Ouais. À Paris, qui n'était pas encore en réseau, et à l'époque, ils voulaient passer de la musique américaine qui n'était pas sortie en France. Donc les animateurs, mon pote Gilles Marino, que tu dois connaître, partait avec sa bagnole au port du Havre. Il attendait que le conteneur de disques arrive, et il faisait son petit marché, il prenait les imports américains pour les ramener très vite à Paris. Pour être le premier à passer ça sur RFM, qui est une situation aujourd'hui, animateur radio, faire découvrir un truc que tu auras trouvé toi par tes connaissances, ça n'existe plus. Et il me disait, j'ai un grand regret de ça, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'aller au Havre chercher en premier les imports qui viennent des States, ça n'existe plus. Voilà, c'était le côté sympa de la radio aussi. Mmh. Ouais, je me souviens tout à fait. J'avais par exemple des amis qui allaient en Angleterre. Ils nous ramenaient des vinyles. Et donc les 45 tours en Angleterre, ils avaient la particularité, ils ont pas de centreur en Angleterre. Ils ont pas le gros rond qu'on rajoute. Donc les 45 tours sont avec un petit trou au lieu d'avoir un gros trou. Comme un en France. Ouais, donc il y avait cette particularité. Et moi, j'ai chez moi encore dans ma collection beaucoup d'imports comme ça. Et avec des groupes qui aujourd'hui sont connus, qui n'étaient pas forcément connus à l'époque, comme Depeche Mode. Des choses comme ça. Donc j'ai des imports, des pressages anglais chez moi. Donc, et c'est quelque chose dont je suis fier, parce que à l'époque, il fallait avoir l'objet, il fallait réussir à l'avoir grâce à des connaissances. Et une fois qu'on l'avait, on passait ça à la radio, on était content, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des petits plaisirs aussi qu'on n'a plus aujourd'hui, malheureusement, parce qu'aujourd'hui on va peut-être un peu trop. On en a d'autres. Hein, on en a d'autres. Ouais. Par contre, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, on écoute un truc à la radio, on peut l'avoir aussitôt. C'est quelque chose de magique. On n'aurait même pas rêvé ça il y a quelques années. Voilà. On écoute encore, il nous reste encore quelques morceaux à écouter. On va écouter le dernier morceau de cet album, qui est le 12e. Donc vous êtes arrêté à 12, pourquoi? Parce que par superstition. C'est comme Didier Deschamps, on avait la liste. Non, bah, c'était les titres qui étaient prêts au moment où on devait. On avait décidé de finir l'album, en tout cas. D'accord. Donc, 12 morceaux, c'est déjà un vrai album. C'est un album où il y a plein de choses. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains, il n'y en a que 8 ou des trucs comme ça. Là, 12 morceaux, on en a quand même pour son argent, hein, pour les gens qui vont le commander, hein. Et donc, ça vaut vraiment la peine. Et vous terminez cet album avec un titre qui s'appelle « Musique ». Quelque chose qu'on aime beaucoup, nous, ici, sur Radio Arc-en-Ciel, et pas que. Hein. On l'écoute tout de suite. Et après, on en parle après si vous voulez en parler. Musique, le groupe La Jarrie. Voilà, on arrive presque à la fin de cette émission. Hein. 3 heures, elles sont passées très très très vite. Il nous reste encore, il y a 2 morceaux qu'on n'a pas écoutés de l'album. Alors, il y en a un qui a été interprété en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe La Jarry. C'est lequel? Le Paradis sur Terre. Non, c'était pas le rêve électronique, j'ai sauté une ligne, le rêve électronique. Et après, il en reste une aussi que je garde pour la fin parce que c'est la fin du show. Donc voilà, je pense que j'avais bien choisi quand même, non? Ouais, et puis on est content avec cette chanson aussi parce que c'est notre nouveau single au Canada et il démarre l'airplay sur les radios de demain. Donc tu vois, ça tombe plutôt bien. On est content. Donc, si nos amis canadiens nous écoutent, parce que sur Radio Arc-en-Ciel, maintenant, on peut nous écouter partout dans le monde. Hein. D'ailleurs, il y a des petits messages de temps en temps qui viennent d'au-delà des frontières. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, si vous nous écoutez ailleurs qu'en France, même si vous êtes en France, à la limite, vous pouvez toujours nous laisser un petit message. Ça nous fait toujours plaisir. Et un petit j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrika. Si vous voulez nous contacter, il y a toujours l'adresse mail mavrika@live.fr. Donc, dernièrement, pas mal de groupes nous ont contactés pour venir dans l'émission Mavrika. Et si vous avez vous aussi un projet, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça hein, dans l'émission Mavrika. Alors il y en a beaucoup qui m'ont contacté, qui doivent arrêter une date. Donc il va falloir se précipiter un petit peu parce que sinon bientôt il y aura plus de place et il va falloir attendre quelques mois. Donc voilà, le message est passé. Alors vous aussi, vous êtes à la radio. Est-ce que vous avez un petit message à passer auprès des auditeurs? Message très simple, c'est que soyez positifs toujours, sortez au concert surtout, allez voir plein de monde, plein d'artistes. On parlait d'Alexandre tout à l'heure qui est là, soutenez la scène locale, régionale, à fond, laissez-vous aller, profitez de la vie et voilà, tout va bien. Très bien, donc c'est un message positif, hein, comme on aime dans l'émission Mavrika. Hein. Et toi Benoît, t'as quelque chose à rajouter? Non, mais c'est vrai que ça se rapproche un peu de ce que dit David, c'est-à-dire que c'est vraiment très très important d'aller au concert, voir les artistes, parce que même si parfois on est un peu crevé, parfois c'est pas le bon moment, parfois on avait prévu autre chose, etc. On parlait de la musique tout à l'heure, de l'industrie musicale, avec évidemment la musique est devenue gratuite quasiment. Donc, aller voir les artistes, ça reste quand même le dernier rempart pour essayer d'aider les artistes, les jeunes talents qui débutent pour qu'ils puissent mener leur projet à bien, parce que sinon, la flamme s'éteint petit à petit. Et je pense que c'est un truc qu'il faut faire, il faut vraiment soutenir la création. Très bien, donc le message est passé, c'est vrai que c'est un message qu'on dit souvent à la fin de l'émission, aller au concert, c'est quelque chose de très important, et en plus on a la chance d'avoir des très bons artistes dans la région orléanaise, hein. Et puis c'est toujours un bon moment, comme tu disais, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où je me suis tapé toute la semaine, je suis un peu fatigué, et puis samedi soir je dis ouais j'ai un concert, mais je sais pas si je vais y aller, je suis pas très, et puis finalement je dis allez je fais l'effort parce qu'il y a un tel, je vais rencontrer là-bas, et puis ça me fera toujours plaisir de les revoir, et ça leur fera plaisir aussi, et une fois que je suis là-bas, boum, en pleine forme. Et voilà, la semaine. Par contre, le lendemain, des fois, j'ai un petit peu de mal. Mais en attendant, sur le moment, c'est quelque chose de formidable. Il faut aller au concert. Ça nous donne une pêche pas possible, et c'est formidable. Et grâce à des artistes comme vous qui savent nous le faire passer cette puissance et cette pêche qu'on va résumer comme ça. Voilà, très bien. En plus, ce que vous avez dit aussi, les messages d'espoir, soyez positifs et tout ça, c'est quelque chose aussi qu'on aime dans l'émission Mavrika. D'ailleurs, il y a une des phrases magiques. Elle est en anglais. C'est Everything is gonna be alright. Donc voilà, on va dire sure. Tout va aller pour le mieux dans les prochains temps. C'est ce qu'on espère. On espère construire aussi un paradis sur Terre, hein, petit à petit. Voilà. Si on n'arrive pas, au moins on aura essayé. Et ça, c'est le plus important. Les autres phrases magiques, c'est que le rock and roll soit avec vous. Et encore une autre, c'est une vie sans musique serait une erreur. Donc ça, c'est des phrases qu'on dit à la fin de chaque émission. Sauf que des fois, ça m'arrive d'oublier. J'arrive chez moi, tiens, j'ai oublié de dire les phrases magiques. Mais bon, la plupart du temps, quand même, on les dit. Et donc, ça fait rentrer les choses dans la tête des gens. Et c'est des choses positives. Donc, il est important de le dire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission Mavrika. On arrive vraiment aux dernières minutes. Merci de ton accueil, hein, ça fait toujours plaisir. De toute façon, on est ensemble encore quelques temps. Ouais. C'est-à-dire que là, on va rendre l'antenne, on va écouter le dernier morceau, donc le morceau qui s'appelle, pour pas que je me trompe, La fin du show. Voilà. Et puis après, nous, on va faire aussi des photos parce que c'est important, les souvenirs. On avait parlé de choses. Voilà, vous passez dans l'émission Maverica. En plus, vous m'avez apporté cet album Super Époque que j'avais téléchargé, que je l'ai. Mais là, j'ai l'objet. Donc, je vais pouvoir le mettre sur ma platine demain et puis l'écouter encore en meilleure qualité parce que forcément, quand on a du bon matériel, on l'écoute encore dans des meilleures conditions. Mais le plus important, c'est quand même d'aller vous voir en concert. Et on va rappeler la date qui arrive très bientôt, hein, c'est au mois d'avril, ça va passer très très vite, hein, juste après l'hiver, juste pour se réveiller sur Orléans. Donc ça sera à l'Alliage, à Olivet, le concert de l'Ajari, et c'est un samedi soir, donc il faut être en forme pour 1er avril, ouais, tout à fait. 1er avril, c'est ça. Voilà, donc merci à vous encore une fois. Et merci, puis de toute façon, Albino, vous revenez dans l'émission quand vous voulez. Hein. Vous avez déjà plusieurs diplômes, vous allez repartir avec un de plus. Bientôt, vous allez pouvoir couvrir toute la salle, tout un mur d'une pièce, il n'y aura pas de souci. En tout cas, merci beaucoup et puis que la force soit avec vous et continuez avec le rock'n'roll. Et à très bientôt, Albino. Salut. Allez, à très bientôt. Salut. Com este negócio ruinoso.